Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Dans d'une foulée à l'autre, Maxime Milodeau nous expliquera la science derrière le chewing-gum. Jasmine Raymond-Dréville nous parlera des activités et actualités de l'AGEQTR. Et François André aura une autre excellente chronique politique Logocratie 101. C'est ce matin, tout de suite là, à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 4 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Oui, super. Oui. T'as l'air d'avoir froid, t'as les mains dans ton... Dans ta veste. L'éternel recommencement. Oui. Faut que tu touches toi-même les mains pour... Ouais, si je me touche pas le matin, ça... les mains. Le contact passe pas. Non. C'est ça, ça. Faut que ça parte. Donc aujourd'hui, à l'émission, on aura à 7h30 la chronique de Maxime Bilodeau. Oui. Sur le chewing-gum, ça a l'air bien intéressant, tout ça. Je vais vous lire un petit peu. On se penche cette semaine sur la science derrière le chewing-gum, ce morceau de polymère qu'on se roule dans la bouche des heures durant. Plus précisément, on s'attarde à tout ce qui ne se rattache pas à la santé bucco-dentaire. Ça n'a pas rapport avec l'arrêt du tabagisme. Ça n'a pas rapport au fait de digérer sa gomme pendant 7 ans après l'avoir avalé. Non, non, non, non, non. Mais si vous êtes curieux et intrigué, il ne faudrait pas manquer d'une foulée à l'autre à 7h30. Moi, je rêverais pas ça. On entend qu'il y a des mauvais commentaires sur la gomme de la part de docteurs, de médecins. Mais dans la vraie vie, pour les sportifs ou je sais pas trop, peut-être que ça a des avantages. Oui, peut-être que tu deviens très musclé de la mâchoire. Ouh, oui! Alors, ensuite de ça, à 8h, ça se pourrait. Il y a une possibilité, peut-être pas une probabilité, mais une possibilité qu'on ait Julie Durocher, sa chronique L'Index. Elle m'a écrit disant qu'elle fait pas très très bien, mais ça se pourrait qu'elle vienne quand même. Bon, on verra. Mm-hmm. Donc, ce sera à 8h. Ensuite, à 8h15, normalement, Jasmine Raymond-Dréville et la chronique de la GEQTR. Et finalement, pour terminer à 8h30, François Landry et Logocratie 101. Et son sujet cette semaine, c'est la gouvernance souverainiste du PQ. Oh oh! Ben, tout le monde est sur les lèvres. Oui, avec leur gomme. Oui. Tout fit ensemble. Tout fit ensemble aujourd'hui. Si tout le monde vient. Oui. Sinon, ça tombe à terre. Une gomme, comme une gomme. Oui. Ouais. Puis peut-être que ça va nous rester collé en dessous du pied. Tu vois. Pas facile, ça. Non. Non. Mais on vit avec. Ben, au printemps, c'est les vieilles gommes et les vieilles crottes de chien. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est très vrai. Autour de ça, on va avoir les petites chroniques maison, là, dépendant de combien de temps on a. On va au moins faire C'est un fait. J'ai pas mal de restant, un gros restant de C'est un fait à vous faire avec, entre autres, un petit bloc sur les animaux. Oh, miaou miaou! Tout à l'heure, miaou miaou! Miaou miaou! Ben, c'est eux qui, peut-être pas les miaou miaou, mais les woufous, c'est eux qui laissent des choses petits, partant. Des petits poup poup. Poup poup! Pour nos pieds. Pure nos pieds. Ouais. Donc, pour justement célébrer un peu l'hiver et le fait qu'il fait donc bien fret de ces temps-ci, voici Jean-Philippe. Pas toi? Ah non! L'autre! Celui pas de... Celui qui a du talent en chant. Ah ouais? C'était pas... C'était pas de méchant de même, excuse-moi. Non, mais c'est une triste réalité. Faut s'assumer dans la vie, hein. C'est pas moi qui fais les CD. Ben non! Voici ma tête dégèle. Sur ses fous, dans vos oreilles. En vrai, je de Trois-Rivières. Oui, Trois-Rivières, je... Oui, j'ai... Aurais-tu dit gelé? On a l'air d'une gang de drogués là, en disant qu'on est gelé de main. Dégèle, ma tête dégèle, comme le mousse qui dégèle au printemps. J'ai le sentiment de battre de l'aile. Mon corps s'éveille comme un ours qui se réveille au printemps. J'ai le sentiment de vivre par en dedans. Je n'accepte pas le monde comme je vois. Je sens personne quand il fait froid. J'entends pas. Êtes-vous là? Il y a des moments où je s'endors. Comme avant, il faudrait pas que ça dure. Philippe et ma tête dégèle pendant que je fais le solo de drum. Oui, t'as du talent. T'as pas de talent en chant, mais en air battery. Ah ouais. Drum. Tu sais, ma batterie est accrochée au plafond. Moi, je suis là avec mes baguettes, puis j'ai juste les jambes en l'air. Hey, tu sais ce que j'ai trouvé un matin? Une batterie! Oh! Une batterie de A dans le studio. Je peux en jouer. Ah, oh, t'es bon. C'est pas grand bruit. Je pense qu'elle a coulé. Okay. Voyons, t'as-tu pris l'acide qu'il y avait dedans? Ben... Ou le vibrateur. Okay. Maintenant, voici la chronique, c'est un fait. Une blague de vibrateur le matin à 7h15. Il n'y a rien de mieux pour se réveiller du bon... Ça, c'est le bruit que Scooby-Doo fait quand il... Okay. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Une liste de faits, c'est comme ça. C'est des choses rapides, des choses qu'on veut savoir, des choses importantes. Par exemple, dans le domaine de la technologie ici, là. Lorsque Google est devenu une compagnie publique, Larry Page et Sergey Brin, deux des cofondateurs, et Eric Schmidt, on dit qu'ils allaient travailler ensemble pour les 20 prochaines années. Mm-hmm. Ils ont dit ça. 20 ans! C'est parti! Go! Ben, on pourrait les accoter, Mathieu. Facilement, hein? Bon, ben, on a Mathieu. Quoi de fait? Deux mois? Ouais. Et demi? Deux mois, et demi. Je sais plus, là. Bon, on fait 20 ans. Tu vois, je compte déjà plus tellement c'est le fun! C'est vrai, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de nombre de temps que ça fait ça. Ah bon, calculer quasiment les jours avec un petit crayon sur le coin du mur. Moi, je l'ai fait sur mon bras. Voilà. On va continuer longtemps, ça, on le sait. Oui. C'est dit. Mm-hmm. Longtemps. Longtemps. Longtemps veut dire quoi? Qui vivra vers jusqu'à temps que tu te tentes. Voilà. Le frère de Larry Page, Carl Page, a vendu sa compagnie eGroups à Yahoo pour 432 millions de dollars en l'an 2000. Mm-hmm. Donc, l'autre gars riche de la famille. Tu connais la série Pokémon? Oui. Il y a plus de 750 épisodes de Pokémon. Ça fait environ, si on les regarde là, d'un coup sec, okay? Ça fait 50 épisodes par année pendant 16... Et... Non, attends, c'est pas de suite, là, mais mettons, c'est des saisons, OK. Donc, 50 par année pendant 16 années de suite. Donc, 50 saisons? 50 par année, 16 ans de suite. Donc, 50, attends un peu, fois 16, ça fait 800, par exemple. Non. Ouais, en tout cas, mettons 750, j'essaie de calculer en même temps, 750 fois, mettons, 25 minutes, là, ça fait 18 750, divisé par 24 heures, ça va faire 781 jours de suite. Peux-tu? Non, ça peut pas prendre. C'est pas beaucoup. Bon en maths. C'est beaucoup. Ce que ça veut dire. C'est beaucoup. 750 épisodes. Bon. Colin. Je suis même pas capable de faire un calcul avec une calculatrice, imagine dans la vraie vie. D'ailleurs, la série Pokémon qui a le record Guinness pour le plus de crises d'épilepsie causées par une émission de télé. Most photosensitive epileptic seizures. Ah ouais. Ouais, c'est entre autres l'éclair de Pikachu. D'ailleurs, le créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri, est autiste. Ah. Je pense que je vais refaire mon calcul. 750. Tu sais par deux. 375. Quoi, tu sais par deux? Je sais pas. 750. Je sais plus. Ah, rajoute un exposant. Oui. Mettre le 1 en haut. Oui. Transférer ça. Malgré le fait qu'ils ont la petite phrase connue « Gotta catch them all », attrapez-les tous, Ash Ketchum, le personnage principal de Pokémon, a attrapé que 43 Pokémon sur 649. Il va falloir qu'il s'attelle, là. Ça fait 750 oui. épisodes, puis il y en a juste 46 à attraper. Je voulais en dire fois 46 divisé par 150! Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Là. Non. Parce que s'il faut qu'ils les attrapent tous, toutes. Toutes, tous et toutes. Tous. Et les transgenres, oui. En plus. On ne sait pas. On n'est pas sorti de l'auberge. OK, non. Ellen Page, l'actrice Ellen Page, a dû porter des extensions de cheveux pour le film X-Men The Last Stand en 2006 parce qu'elle s'était rasé la tête pour son rôle dans le film Mouth to Mouth. Mm-hmm. Que je savais pas qu'elle avait fait, mais que soudainement, je veux voir. Ben, j'aime bien Ellen Page. Très bonne actrice. Mm-hmm. Très talentueuse. Ensuite, on parle un petit peu de chat, tiens. C'est important. Oui! C'est bon de faire une interjection de phrases comme... C'est important, un chat. C'est important, un chat. Bien dit. Donc, les chats utilisent l'intérieur de leur oreille pour se tenir équilibré et pour faire leur petit twist dans les airs pour se remettre droit. C'est comme ça qu'ils réussissent à atterrir sur leurs pattes la plupart du temps, sauf quand ils commencent à être vieux. C'est un peu comme le niveau du charpentier. Oui, mais directement dans le chat. Dans le chat. Eux, c'est intégré. Ben, le charpentier, c'est peut-être intégré aussi, dépendant. On va pas juger qu'est-ce que les charpentiers font chez eux le soir. C'est vrai. Avec leur niveau. Ça se peut que ça soit intégré. À ce niveau-là. Ah-ha! On sait pas. Houdini était un pionnier de l'aviation. Il a fait voler son propre avion en 1909, seulement 6 ans après les frères Wright. Pionnier. Houdini. L'avion. Eh ben. Petit fait de jeu vidéo ici, que... que je trouve fascinant à chaque fois que je le vois, mais donc je vous en parle ici, parce que moi, à chaque fois que je le vois, je trouve ça cool, mais vous autres, vous avez pas l'image en pleine face, donc il va falloir aller voir sur Internet. Mais ceux qui se rappellent la couverture de Super Mario Brothers, oui. Un jeu vidéo, on voit dessus Mario avec des blocs de briques à côté et de la lave derrière lui. Si tu regardes correctement, là, il est en train de mourir, sa couverture, parce qu'il a les pieds dans la lave. Oui, il a les deux pieds dedans. C'est triste un peu. Là. Ça me rappelle le fameux film Volcano. Pas très bon film. T'aurais pu au moins dire, ça me rappelle le film Super Mario qui sortait les années 90 avec Bob Haskins, qui est vraiment mauvais. Non. Pas Bob, là, mais... Non, le film. Film Moi, je pensais que t'allais dire que la plage de bois censure... on dirait qu'il censure son zouizoui. Oui! Il est en train de mourir nu avec une érection. Oui! Ou encore, il est en train de s'insérer à un niveau comme un charpentier. Oh! Les supermarchés dans le pays qu'on appelle le Guam. C'est un pays, le Guam. Mm-hmm. Ils vendent des chauves-souris congelées. Dans ces supermarchés-là, c'est pas merveilleux, ça. Mais c'est vrai que ça dure pas longtemps, frais. Non. Non. Faut que t'épandes dans ton congélateur à l'envers. Ouais. Comme une tresse d'ail, mais... mais avec une chauve-souris. C'est ça. Exact. Geocities, on se rappelle de Geocities, c'était une compagnie où on pouvait héberger ses sites web dans les années 90. Ils ont commencé comme une compagnie d'hébergement web qui s'appelait Beverly Hills Internet. Mm-hmm. On dirait une série télé pour adolescents sur Fox dans les années 90 aussi. Beverly Hills 90210 Internet. Avec Luke Perry. Tu sais, les Marshmallow Peeps. Tu connais les Peeps? C'est des petits poussins en guimauve qu'on peut manger. Oui. Étant donné que c'est des guimauves. Là. Ils font des lip balms, des trucs pour mettre sur ses lèvres. Des lipsils. Des lipsils. Bon, ben lipsils, c'est une marque copyrighted. Des baumes à lèvres. Yeah, voilà. Donc, ça, aux Peeps, à saveur de Peeps, à la guimauve et vanille, entre autres. C'est beau. Guimauve et vanille. Mais... les crabes, ils font un peu comme Barack Obama. Des fist bumps, tu sais, fist bumps, c'est quand tu te tapes le poing l'un contre l'autre, c'est bien à la mode. Les enfants YOLO font ça. Donc, les crabes ont leur propre version du fist pump. Les crabes mâles, d'accord, vont mettre leurs pinces dans les airs pour attirer les femelles. Wave your claws in the air that you just don't care. You know? Whoop, whoop, whoop, whoop. Ah, d'accord. Bravo. Mets tes pinces dans les airs, mets tes pinces dans les airs. Comme si tu t'en tabarnouchais. Ouais. Cadbury. On parlait de choses, de petits poussins tantôt qu'on mange. Mais dans le domaine des choses à manger, ben, du crabe aussi, ça se mange. Fait que tous les faits qu'on a dit depuis quelques temps sont mangeables, c'est vrai. Donc, Cadbury vend environ. Donc, ça, c'est une combinaison d'environ et millions. Oui. Environ 200 millions d'œufs à la crème au Royaume-Uni à chaque année. C'est-à-dire plus de 3 par personne qui vit au Royaume-Uni. Est-ce que tu les aimes, toi, ces petits œufs-là? Je les adore. Moi, ça fait 2-3 que je pogne qui sont secs. Ah, mais ça, c'est la faute du magasin là, qui ça, les entretient pas. C'est bien triste. Quand ils sont trop froids, ils sont secs, ouais. Tu sais. Non. Moi, je les garde au réfrigérateur, je les sors 10-15 minutes à l'avance, mm-hmm. Même peut-être 20. Puis, fait un petit peu de dans une pomme, 2 minutes de chaque côté. Miroir, les œufs Cadbury miroir. J'aimais ça. Non, mais par contre, les Cream Eggs de Cadbury ont été réduits en grosseur. Oui. Puis pour le même prix, là. Ben, oui. Ou plus cher. Inacceptable. Mais tu sais qu'ils font une barre de chocolat maintenant? Non. Avec cette. Avec le même. Ouais. Oh. Genre Cadbury Twisted, je sais pas quoi, là, bref. C'est comme genre la petite torsade, puis l'intérieur, la petite crème, puis le petit jaune. Ben écoute. Trouve-en, tu sais. C'est ça. C'est ça. Cherche. Mais je veux pas que ça soit sec. Non, mais c'est pas supposé. Non. Avis à tous les épiciers de ce monde. Ben ouais, ben achète pas ton chocolat, je veux l'air à moi. Mmh. Donc, des fois, c'est bon. Ça dépend. Quand tu l'ouvres et qu'elle est blanche. Ouais. Sauf si c'est du chocolat blanc. Ou qu'il manque encore un petit bout de papier d'aluminium, tu sais. Hey! Tu m'amènes sur une anecdote des plus cocasses. Ah, ben je t'écoute. Peut-être que c'est ta faute, là. Tu me le diras. Mmh. Hein? C'est ta faute parce que je te fais confiance. On s'était acheté des petits œufs. Ben, pas Cadbury, là, mais similaire à, avec du caramel dedans, OK? OK. Pour le travail, on avait mis, il y en avait un rose puis un bleu. OK. Oui. Bon, j'avais ça sur mon bureau. Hier, je regarde derrière mes affaires, parce que, mettons, je fais pas tout le temps le ménage de mon bureau tout le temps. Bon. Mm-hmm. Et derrière quelque chose, il y avait un de mes œufs, il était ouvert et il y avait des traces de dents dedans. Ah! Hein? C'est quoi, là? Fait qu'il y a quelqu'un qui a pris une croque de ton petit coco. On dirait! Hey, tu parles d'un outrage, puis au pire, je veux dire, mange-le au complet, ou ben jette-le, puis je m'en rendrai pas compte. Catch les évidences. Franchement, Les preuves. Complot. Non, mais, tu sais, la construction dans nos bureaux, on fait venir, font nos murs, etc. Parfait, cool. Mais nos portes sont ouvertes toute la journée, quand on fait des. Bon, du souple, ça va attirer voleur, en disant ça en nom. Oui. Mais bref, toi, tu t'es fait voler tes écouteurs. Oui. Tes écouteurs, tu sais, beaux écouteurs. Oui. Moi, je me suis fait voler mon œuf de Pâques. Fait que on est quitte. On est quitte. À chacun son dada de vol. Ouais. Mais c'est pas vrai que les portes sont ouvertes. On va couper ce bout-là. Ouais. Anyway, c'est plein de caméras à cette heure. Il y a ça. Dans nos bureaux. Et t'es allé les voir, donc. Mm-hmm. Ah, attention, si on vous reconnaît, là. Oh, vous êtes pas sorti de l'auberge, comme t'as dit. Un rasoir en or a été retrouvé dans la tombe de King Tut, le roi Tut. J'imagine qu'on l'appelle en français, le roi Tut. Le roi Tut. Le roi Tut. qui est encore assez coupant, pas le roi, mais le rasoir, pour être utilisé. Quand même. Sur le roi. Gillette, octroie, être jaloux. La perfection masculine. Un rasoir en or. Le peuple hétéro de la Papouasie-Nouvelle-Guinée croit que pour qu'un garçon se rende jusqu'à être un homme, finalement, il devrait ingérer, donc manger, le sperme de gens sages du village, de ces elders. Elders, c'est des gens sages dans un village, j'imagine. En tout cas, c'est ce que je comprends ici. Ils sont tellement naïfs. Tellement naïfs. Ça te fait de toi un homme. Eh ben. Le pape Benoît XVI ne savait pas conduire et n'a jamais eu de permis de conduire. Donc, je suis peut-être le prochain pape. Ah oui. Maybe I'm the next pape. Ben, il y avait un chauffeur, t'sais. Oui, c'est ça. Dans sa pape mobile. Oui. Parce qu'ils sont à l'épreuve de tout, parce qu'ils sont protégés par Dieu, mais... Mais ils se promènent en pape mobile. Et voilà. Parlant de religion, un peu n'importe quoi. Commentaire ici. Le fondateur de l'Église de la Scientologie s'est donné lui-même son propre diplôme PhD. Là, ça, c'est un doctorat, je pense. Donc, il s'est donné lui-même de l'université où il a gradué. Donc, il s'est donné ça lui-même parce qu'il était propriétaire de l'université. Ah, facile, ça. Tu sais, c'est le fun, ça. Ben oui. Pourquoi pas? Bon, ben Mathieu, on s'achète une université, on va se donner plein de diplômes. Why not? Why not? Les mascottes des équipes de la NBA ont le plus haut taux de blessures comparé à n'importe quel autre sport. Tu te rappelles là, Kevin Ware, le gars qui s'est... caoutchouté la jambe. Oui, ben j'ai vu une photo, parce que là, ils ont sorti les photos. Ah oh, non, moi aussi. Oh, non. Je ne veux pas entendre parler de ça. Écoute, on doit voir 6 pouces de sorcier. C'est dégueulasse. C'est vraiment épouvantable. Allez pas chercher Kevin Ware leg injury sur YouTube. Allez pas chercher sur Google Images avec Safe Search éteint Kevin Ware, W-A-R-E. C'est quelque chose. Tu peux pas t'empêcher de faire un haut le cœur pour certains, un dégoût complet. Ouais. Fait mal. Imagine le vivre. Ah. Je vais même pas imaginer ça. Ah. Le gars, il va mieux. Ben ouais, ouais. Je suis bien content. C'est sûr que ça peut pas aller plus mal. Aïe, aïe. toujours dans le domaine des vedettes ici. Carrie Underwood a une troisième tétine. C'est que la chanteuse de country. Ouais. Est-ce dans son cou, genre, comme tétine? Bonne question. Les scientifiques ont proposé qu'on devrait donner aux dauphins des droits similaires à ceux que les humains ont, étant donné leur structure de leur cerveau et leur système social complexe. Parce que les dauphins sont tellement intelligents, même si on comprend pas parce qu'ils parlent pas français ni anglais. T'sais. Mais disons, on dirait que les humains, faut que tout le monde parle notre langue pour qu'on sente mal pour eux autres et qu'on veut les sauver. T'sais. Moi, j'entends tout le commentaire. Hein, c'est quoi un dauphin mort par rapport à un enfant mort? Non, les deux sont plates. Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre, à mon avis, personnellement. Ça, c'est juste moi. Donc, bref, je suis pas sûr ici pour l'affaire de leur donner des droits similaires, là, genre protégé par un avocat. Vous avez droit à l'avocat? Droit de vote. Droit de vote, oui, c'est suffragette. Là. Ouais. ça pourrait ne pas aller jusque-là. Selon un sondage très, très important, 74% des enfants américains disent que les lapins au chocolat devraient être mangés oreille en premier. Ah! Ben, c'est vrai. Là. Tu commences pas par les pieds. Non, c'est vrai. C'est toujours la tête. Oui. T'es dépendant de la grandeur, je veux dire, si c'est un petit lapin en chocolat, tu peux le manger au complet d'un coup. D'un coup. Le mâcher. Non. le terme technique pour un fan de tir à l'arc est un toxophilite. Il y a un bébé fuck robot qui vient du Japon. Et c'est ce genre de façon de faire une thérapie pour les patients atteints de démence. Donc, il répond au toucher, à la voix et même... dort la nuit. C'est un petit fuck. Bébé fuck robot. What the fuck? Walmart vend 57% de toutes les épiceries, de toutes les produits d'épicerie des États-Unis. 57% c'est vendu chez Walmart dans les supercenters. Ici, on a des équivalents d'épicerie dans un Walmart, mais c'est 4 rangées, genre, c'est pas ouais. Grand-chose. Aux États-Unis, t'as des produits plus frais que ça. Kristen Stewart de Twilight, la série de films, là. Selon Forbes, elle est au sommet de la liste des actrices les mieux payées, avec 34,5 millions d'argent mérité depuis les dernières années, depuis qu'elle est dans Twilight et d'autres films. 34,5 millions de dollars. J'aurais tellement dû être acteur, Mathieu. Là. Ben, opportunité ratée. T'es talent, talentueux pour... Ben oui. Pour... avec le... Vampire! Vampire! T'as vu, c'était mon audition. Oui, je suis prêt. Bravo. Merci. Tu brilles en plus. Oui, à la lumière de nos néons. En 2004, la police en Inde, en fait, c'est l'État Madhya Pradesh en Inde. Ils se sont fait payer pour faire pousser leur propre moustache parce que lorsque tu as une moustache, ben, tu mérites le respect. Mm-hmm. C'était en 2004 en Inde. Et finalement, les Français utilisaient toujours la guillotine. Au 20e siècle, oui, la dernière exécution en France via guillotine était en 1977. 1977! Quand même, hein, mais ils n'ont pas dû s'inventer. Non, non, j'imagine que non. Je ne sais pas si c'était encore devant le public, là, comme dans le temps. Non, c'est ça, ça devait être... Et voici votre animateur, guillotine! c'est comme la roue de fortune, mais c'est la guillotine qui s'en va chez vous. la guillotine avec Yves Corbeil. Oui. Ah, c'était carré. Oui, oui, oui. Une tête. Est-ce que vous allez prendre la tête ou les pieds? Est-ce que vous allez prendre avec la famille? Comme les petits lapins, les oreilles en premier. Oui. Flac. Allez voir twitter.com/asrequis sur la liste de 7 faits pour avoir toutes les sources, même des liens qu'on n'utilise pas, et retrouver les liens de la chronique d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Voilà pour 7 faits. Guillotine! C'est comme Guy Nantel, vas-y. Oui. Il y a toujours, qu'est-ce que vous allez faire avec ce beau million-là, madame? Disney World. Oui, c'est ça. Je vais aller en voyage. Hey, qu'est-ce que vous allez faire avec cette belle tête-là? Je vais trouver un autre mari. Tight. Ta blague, tight. On sort la musique avant de recevoir Maxime Bilodeau. Elle était vraiment mauvaise. Maxime Bilodeau est s'accordé d'une foulée à l'autre. Mm-hmm. Pour l'instant, on écoute Modern Superstitions. Voici Last Night's Dress. Sur C'est Fou. Tight. Retour, on marche une autre chronique de foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau. La gomme. Rassemble un Lucky pour toi aujourd'hui. Ah, c'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F-O-U. 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. C'est en 32, Jean-Philippe Chabalot et là. Mathieu Pant est là. Ouais. Ouais. C'est passé. Qu'est-ce que tu fais? Tu chiques? Comment? Tu chiques ta gomme? C'est très chic comme blague. Oh, ouais, ben, je suis mastique. Oui. Mastique chic. Ouais, peut-être plus que chic, hein. Chic, c'est plus tabac. Oui, en effet. Tu sais, le tabac gomme. Il y avait du tabac gomme dans le temps. C'est vrai, c'est comme une enveloppe. On mangeait ça, on prenait la grosse motte dans la bouche. Là. Effectivement. Mm-hmm. Ça, ça a fait tout un tabac. Ah! Tabarouette. Oui, ça finissait bien. Il a envie de se passer. Il est tight. Ouais. Et c'est la collègue d'une foulée à l'autre avec Maxime Bilodeau. Bonjour. Oh, présent, messieurs, ça va bien? D'une très grande forme. Les jeux de mots sont vraiment présents chez Jean-Philippe. Ils sont vraiment présents. Il est en forme. Il est, il suinte la bonne humeur. et si on veut les effacer, on prendra une gomme à effacer. Gomme à effacer. J'ai essayé, mais c'était pas aussi bon, clairement. Mais je sens que t'en as préparé une coupe pour la chronique. On va voir. Je te vois mâcher. Tu t'es foulé la mâchoire, toi? Foulé à l'autre. Oui. D'un foulage de mâchoire à l'autre. Oui. Donc, on parle de gomme aujourd'hui. Les gens qui comprennent pas trop nos blagues. Effectivement. On parle pas de tabac, là. Y a pas de tabaco ici, là. Non. Donc, on va faire aujourd'hui la science de chewing-gum. Vous savez, moi, messieurs, je suis un amateur pour prendre des sujets bizarres et les décortiquer. Ben, c'est un peu c'est quoi qu'on aime. L'aspect santé et scientifique derrière la chose. Eh bien, aujourd'hui, on va justement faire le chewing-gum ou pourquoi mâcher de la gomme va bien au-delà de la santé bucco-dentaire et de l'arrêt du tabagisme. C'est ça, là. Tout le monde parle négativement de ça parce que c'est pas bon pour l'estomac, les trucs comme ça. Effectivement, il y a plein de petits sujets comme ça. Estomac, j'ai plus ou moins touché, mais pour les deux sujets que j'ai dit, à tout le moins, santé bucco-dentaire et l'arrêt du tabagisme, c'est deux sujets dont on parlera pas, parce que j'ai pas d'expertise dans santé bucco-dentaire, je suis pas dentiste. Pas encore, en tout cas. Peut-être un jour. Tu veux faire ça en plus de kinésio et tout ça? Ah oui, j'ai toutes les fâches qu'à la fin des jours. C'est un sideline, tu sais. Voilà, au gars, c'est dans la bouche des gens à temps partiel. Il y en a que c'est les gynécologues, c'est autre chose. Ben, il n'y a pas de demoiselle ici, c'est bon. L'arrêt du tabagisme, tout simplement parce que ça m'intéresse pas. Bon, voilà. Ben, il est honnête, en tout cas. Ben, oui. Au moins, mais je vais faire des parallèles. Tabagisme, pareil. Cool. Donc, premièrement, de quoi parle-t-on quand on parle de chewing-gum? Ben, on parle de bout de polymère, c'est des polymères synthétiques. Plastique, finalement. C'est, en fait, style, genre. Le plastique, genre latex, là. OK. C'est, on va le voir de même. En fait, c'est des polymères synthétiques aujourd'hui, donc fait en industrie de façon synthétique. OK. Avec des arômes artificiels dedans et des parfums sucrés avec des édulcorants. Qui durent pas longtemps. Voilà, qui ont 5 calories par gomme, comparé à des grosses gommes pleines de sucre à je sais pas combien de calories dedans. C'était bon dans ce temps-là. Double bubble, Bazooka Joe, etc. Ou les gros casse-gueules, là. Oui, là, que t'achètes, ouais. Oh, ça, c'est fou. Je devrais m'en retrouver là-dessus. On devrait plus cotiser et acheter des Double Bubble. Il y en avait des centres d'achat, là, des grosses tours. Là, ouais, puis ça tourne. Il y a ça encore à côté de la Bonbonnière au Rivière. Ah, OK. Une petite blague. C'est bon. Aujourd'hui, c'est 80% des chewing-gums sont faits de cette manière-là. À l'origine, qu'est-ce que c'était? C'était de la chicle, on va dire chicle, c'est vraiment chicle, on l'écrit chic. Et qu'est-ce que de la chicle? C'est de la sève de sapotillé, qui était une sorte de latex. Qu'est-ce que le sapotillé? C'est un arbre, donc c'était une sève d'arbre. C'est beaucoup plus naturel à l'époque. D'ailleurs, si on regarde un peu l'histoire, on se rend compte que c'est juste des produits naturels, parce que ça fait des milliers d'années que nos ancêtres, que nous, en tant qu'espèce, mangeons de la gomme. Mine de rien. rien. Donc, on a trouvé des traces qui datent de la préhistoire, que nos lointains ancêtres mangeaient de la gomme, parce que ça serait de la sève de conifère. En fait, on a trouvé ça dans les ossements et tout. Donc, ils mangeaient de la sève de conifère. Les Mayas, en Amérique précolombienne, Amérique centrale, donc du Mexique au Guatemala et même un peu plus loin, c'est de eux qu'on tient justement la sève de sapotillier. Donc, c'est vraiment de là que ça vient. D'ailleurs, je vais faire la petite histoire de l'origine de tantôt. Je vais en reparler. Les Égyptiens, dans le temps des pharaons, les Égyptiens mâchaient de la gomme. En fait, c'était une résine de lentisque. Encore là, c'était un arbre, le lentisque. Et puis, on appelait ça du mastic. De là, mastiquer. Comme quoi, tout est en tout. Hein, c'est ouais, fou, oui. Les Grecs, dans la Grèce antique, il y a 400 ans. Ils mangeaient du fromage feta. Eux aussi mangeaient. Des olives. Eux aussi mangeaient des résines de lentisque. Donc, on peut. Ça vous donne une petite image. Imaginez que Socrate et ses péripatéticiens. Il fallait que je place le mot. Excusez. Socrate et ses péripatéticiens qui marchaient. Ah, j'ai raté le deuxième coup. Tout raté. Bon, c'est bon. Donc, imaginez-vous qu'ils marchaient en philosophant et en mangeant la gomme, probablement. Ben, que ça fait penser. Scène. Pour vrai. Marcher, ça. Je vais en parler tantôt, justement. En Inde, auparavant et encore aujourd'hui, eux, ils mâchent une sorte de sève d'arbre qui s'appelle le betel également. Donc, on se rend compte que la gomme, c'était des produits naturels, c'était tout le temps vraiment faire une sève d'un arbre qui était un peu résineux, un peu chewing-gum, en fait. Mais sale. En fait, ils mâchaient pour les propriétés antiseptiques du produit, pour les polyphénols, pour la laine, pour les muscles de la mâchoire. Dans le fond, pour plein de raisons, c'est pas récent, en fait, dans notre histoire qu'on mange de la gomme. On a toujours mangé de la gomme. Donc, deuxième chose, je vous parlais tantôt de l'origine de. Le premier à avoir commercialisé les chewing-gums, ça a été fait en 1872, et c'était un Américain du nom de Thomas Adams. Pomme d'Adam. Non, ben oui, tout est dans tout encore. Dans la bouche, puis le cou. Voilà. Donc, lui a eu l'idée de prendre justement la sève de sapotillier qui venait d'Amérique précolombienne et de sucrer cette sève-là et d'en faire un chewing-gum sucré qui était agréable à mâcher au goût et qui était goûteux. Donc, lui a commercialisé ça et c'est de là que ça vient. Il s'est associé plus tard avec un certain monsieur Wrigley. Oui, les gommes Wrigley, Double Mint, comment ça s'appelle? Juicy Fruits, voilà. Oui, renversante. Et voilà, donc ça vient de là. Ça a été popularisé sur le vieux continent dans le cadre de la guerre 14-18, donc la Grande Guerre. Les soldats américains qui mangeaient ça pour le stress, pour se lutter contre le stress sur la ligne de combat. Et puis, c'est passé justement chez les Européens, chez les Français, chez leurs alliés, et ça s'est répandu là. Même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, aujourd'hui, c'est un marché lucratif de plusieurs milliards de dollars, l'industrie du chewing-gum et du mâchage. Donc, en 2009, j'ai trouvé des chiffres, 23,2 milliards de dollars. Donc, il y a quand même beaucoup d'argent à se faire là. Petit commentaire anthropologique, si je peux dire. C'est drôle de se rendre compte que dans les dépanneurs aujourd'hui, quand on achète de la gomme, c'est un peu comme les cigarettes d'autrefois. Les paquets ressemblent à des paquets de cigarettes d'autrefois. Hein? Tellement les bâtons sont collés dans le truc. Et puis, j'imagine qu'à une certaine époque, les cigarettes étaient tout aussi accessibles, c'était même bien vu de fumer, c'était santé. Il y avait même l'industrie du tabac disait que c'était bon pour la santé de fumer. Les médecins recommandaient de fumer. Et voilà. Je me demande si un jour la gomme va être derrière le comptoir. Exactement. Derrière des panneaux. Pas de marque. Est-ce qu'un jour, on va avoir des images de dents cariées, de dents pourries, dégueulasses, genre à la lèpre, là, puis qu'on va nous montrer de même. Là. Moi, ça serait beau. Même pas. Peut-être un jour. Donc, c'était mon commentaire anthropologique. Le Grand Prix de Trois-Rivières Excel. Donc, il y en aura encore beaucoup à dire sur le chewing-gum. Veux pas, c'est un sujet très riche. Donc, s'il y a des chroniqueurs qui nous écoutent, allez-y, puisez là-dedans, vraiment, c'est un sujet très, très, très, très, très porteur, si je puis dire. Donc, j'aurais pu parler de record du monde, du mâchage de gomme, d'environnement, le lien entre l'environnement et le chewing-gum, donc quand on colle nos gommes, qu'est-ce que ça fait, les coûts environnementaux derrière ça, l'innocuité du chewing-gum, est-ce que tous les édulcorants dedans sont bons pour la santé, est-ce que ça nous nuit? J'aurais pu vous parler de l'interdiction de mâcher de la gomme à Singapour. Qui existe depuis 1992, je me trompe pas. La fabrication du chewing-gum, encore là, très intéressant. Et j'aurais pu vous parler des fameuses blagues dans les Bazooka Joe. C'est un classique. C'est la chronique que ça aurait pu être. Peut-être un jour. Donc moi, comme j'ai dit au tout début, on revient à la science du chewing-gum. Donc je vais m'attarder à quatre sujets en particulier que j'ai cherché dans la littérature. J'ai trouvé des articles, j'ai trouvé de la science. Et je vous vulgarise ça ce matin. Donc, premier sujet, c'est le contrôle postural. Là, vous vous demandez... Quoi le rapport? C'est quoi? Se tenir droit, rapport avec la gomme. Ah, mon Dieu, c'est quoi ça? Donc, contrôle postural, traduction, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité du corps à demeurer dans un alignement adéquat lorsqu'en mouvement, lorsque debout, donc à lutter un peu contre la gravité. Donc tout simplement la posture, l'équilibre, etc., etc. Quand tu marches, t'as confiance en toi, tu te tiens droit? presque. Donc, comment qu'on fait pour mesurer ça, le contrôle postural? Ben, petite mise en contexte. En fait, on vous demanderait de vous mettre debout sur une plateforme qu'on appelle une plateforme de force. OK, j'y vais. Et cette plateforme-là serait mesurer vos oscillations posturales. Donc, qu'est-ce que les oscillations posturales? C'est un peu l'effet de la gravité de votre poids au sol qui fait un point. Et puis ça, ben, veux pas quand vous êtes debout, même ça oscille pas beaucoup, ça oscille un peu quand même. Et c'est comme ça qu'on mesure le contrôle postural. Et c'est ce genre de choses-là. Donc, avec la gomme, qu'est-ce qu'on vous demanderait de faire? On vous mettrait debout sans gomme versus debout avec gomme. Et on comparerait est-ce que vous êtes plus, avec plus meilleur équilibre, moins d'oscillation avec la gomme ou sans gomme, etc. Donc, qu'est-ce que ça donne, ces résultats-là? C'est qu'on se rend compte qu'avec la gomme, la personne a plus d'équilibre, a une meilleure posture, est plus droite, a moins d'oscillation posturale que sans gomme. Donc, pourquoi? Ça, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Pourquoi ça fait ça? En fait, c'est que, aussi, je vais faire une séparation juste pour le bienfait de l'explication. En fait, c'est que c'est pas des effets physiologiques comme tels. En fait, c'est que le contrôle postural, ça dépend de plusieurs choses. Donc, entre autres, la vue. Donc, veux pas, quand on voit, c'est ce qui nous permet de nous garder en équilibre. C'est l'oreille interne également, ouais. Donc le système vestibulaire. Ceux qui font des labyrinthites le savent, on est tous mêlés, puis ça tourbillonne. C'est justement à cause de l'oreille interne qui est touchée. C'est également des mécanorécepteurs partout sur le corps. Donc, c'est pas à cause de toutes ces choses-là que marcher de la gomme est meilleur pour le contrôle postural. C'est à cause d'un effet qu'on pourrait qualifier de psychologique. Donc, ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, Mathieu, une très bonne piste. En fait, c'est qu'on se rend compte que ceux qui mangent de la gomme ont moins de sentiments de stress, sont moins anxieux, ont une meilleure humeur, sont moins dépressifs. Bref, c'est comme si la gomme avait un effet anxiolytique. Ben, on dirait que je vois ça un petit peu comme les balles de stress que tu dans ta main, que tu squeezes comme ça. C'est un peu la même chose, mais dans ta bouche, tu t'occupes. En fait, c'est un excellent parallèle parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça que ça fait. En fait, c'est que si on prenait votre cortisol salivaire, donc, on vous demande de cracher sur une petite palette et on mesure votre cortisol dedans. Cortisol étant un indicateur du stress de l'organisme, on se rendrait compte que vous avez moins de stress justement avec la gomme que sans gomme. Parce que le stress qu'on combat justement, il y a un effet anxiolytique. Donc, c'est quoi le rapport avec le contrôle postural? C'est tout simplement que quand on est moins stressé, c'est prouvé qu'on a un meilleur contrôle postural. Tout simplement de même. Donc, je suis parti du champ gauche pour revenir, mais tout simplement pour dire que si on a une meilleure posture quand on mange la gomme, parce qu'on est moins stressé en bout de ligne. Dans cette session d'examen. Mettez-vous à manger la gomme. Alors, moi, je vois, c'est une excellente application, justement, là que j'en viens. À quand du chewing-gum chez les personnes âgées pour éviter les chutes? Vous savez, les chutes chez les personnes âgées, c'est un fléau. Quand ils se cassent la hanche, il y a un mauvais pronostic derrière ça. Ou t'en mets après tes souliers, comme ça, tu tiens mieux à terre. Peut-être. Donc, moi, je verrais très bien des compagnies de gomme s'aventurer dans les foyers pour personnes âgées puis distribuer de la gomme massivement pour éviter les chutes. Pourquoi pas? Ben oui. Science le dit. À quand le dentier bien collé, là, dans ce cas-là? Oui, ça peut être fastidieux, effectivement. Ou à quand le manchage de gomme dans la rééducation physique, ceux-là qui ont de la misère à la marche, on donne la gomme. Si je fais un lien avec une chronique que j'ai faite auparavant avec la musique, je vous ai dit la même chose, la musique pouvait aider à dans la rééducation et tout. Donc, mancher de la gomme, écouter de la musique, hey, on va les remettre sur pied plus rapidement. C'est le party, manger les Cheetos, tout ça. Voilà, c'est fou. Hein? Donc, deuxième sujet, c'est l'effet de la gomme sur les processus cognitifs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par processus cognitif? C'est tout ce qui est attention, mémoire, la concentration, très important, l'éveil, l'apprentissage. Donc ça, c'est tous ces processus-là que j'ai englobé sous le nom de processus cognitif. En fait, c'est que la gomme aide tous ces processus-là. Pourquoi donc? Eh bien là, c'est simplement parce que quand on mange de la gomme, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs régions du cerveau impliquées dans ces processus-là qui étaient mieux perfusées en sang. Donc étant mieux perfusées en sang, il y avait plus d'oxygène qui se rendait au cerveau. Donc en théorie, on fait un lien, c'est très boiteux, mais on fait un lien entre plus de sang, plus d'oxygène, donc plus d'oxygène, meilleure plus fonction. Plus de concentration. Et voilà, à toutes les régions impliquées. Donc, par exemple, on peut prendre l'hippocampe, qui est une région du cerveau, et non un petit oursin dans la mer. Mais cute quand même, par contre. Les deux sont aussi cute. Oui, si vous voulez, vous prenez le petit oursin dans la mer, vous le mettez dans votre cerveau, puis c'est ça l'hippocampe. Okay? C'est cute. Bon, tu passes ça dans votre tête. Donc, ça, c'est impliqué avec les processus de mémoire. Donc, on se rend compte que quand on mange la gomme, ben l'hippocampe est mieux oxygéné. Comment qu'on fait pour mesurer ça? C'est qu'on prend des outils genre l'électromyographie ou un outil qu'on appelle un EARS, puis c'est des affaires des ventouses qu'on met sur la tête, puis ça mesure tout ça. Donc, probablement vous avez déjà vu ça avec plein de fils, enfin de même, c'est un peu scientifique. Ça fait peur un peu, tout à l'heure. Ils te font dormir avec ça, tu fais comme je dormirais avec ça. Ça flash. Relaxé. Ça flash bleu, jaune, vert. Également, le cortex préfrontal qui est impliqué dans la régularisation des émotions et la prise de décision. On se rend compte qu'il est mieux oxygéné en mangeant de la gomme. Donc, ça, c'est pour le lien théorique de la chose. Parce que, veux pas, c'est comme j'ai dit, c'est pas parce que t'as une meilleure perfusion sanguine, que t'as plus de sang et que t'as plus d'oxygène qui se rend, que ton cerveau va nécessairement mieux fonctionner. Ça, c'est juste un lien purement théorique. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau plus pratique sur le terrain? J'ai cherché, j'ai trouvé très peu d'études. C'est quelque chose qui est malheureusement pas étudié. Oui, sachez, je fais ici une petite parenthèse, que la gomme n'est pas un sujet amplement étudié. Quand même étudié, mais pas amplement étudié. Disons qu'il y a des affaires plus importantes que ça. Les tic-tac. Les tic-tac, voilà. Ou quelque chose qu'on appelle le cancer. Ou l'obésité. En tout cas, t'es, des affaires comme ça qui sont peut-être un peu plus importantes que le fait de mâcher la gomme. Ça, c'était mon commentaire éditorial. Mais, oui, et tout à fait. Et je dirais, pour faire l'avocat du diable, que c'est pas parce que quelque chose est moins important qu'une autre chose que c'est pas important du tout. Effectivement, ça, c'est j'ai déjà utilisé le même argument dans l'émission d'aujourd'hui, donc je le répète, mais quand même. C'est un commentaire très, très utilitariste que j'ai fait, c'est effectivement. Donc, étudions ce genre de choses a priori inutiles, mais qui. En footballing, ça non, ça fait. On peut pas tout étudier le cancer. C'est pas tout le monde qui peut étudier le cancer. Effectivement. Tu peux faire d'autres choses aussi. T'sais. Effectivement. C'est très bon point, très bon point. Donc, sur le terrain, en réalité, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une étude qui peut être intéressante. On en laisse, là. En fait, c'est une étude qui a été faite en 2009, qui impliquait 108 élèves qui avaient un équivalent de secondaire 2. Donc, qui était à l'équivalent de secondaire 2. Et on a séparé ces 108 élèves-là en deux groupes. Un groupe à qui on disait mangez de la gomme et un groupe où on disait ne mangez pas de gomme. Ces élèves-là étaient évalués sur leur performance en mathématiques. Donc, le groupe qui mangeait de la gomme devait manger de la gomme pendant 14 semaines quand elle était en classe de mathématiques et quand elle faisait ses devoirs de mathématiques. Tandis que celle qui ne. C'est ça, c'est le fun quand même, en secondaire, ben oui. T'as comme accès à volonté à la gomme. Dépend de la saveur, par contre. Autre chose, vous remarquez, je parle jamais des saveurs et tout parce que la science n'en est pas rendue là. Non, mais la cannelle, c'est tan vite. effectivement. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Effectivement, il y en a de plus en plus bizarres. Tarte aux pommes, tarte au citron, shortcake aux fraises. Celui au creamsicle. Meilleur gomme ever. Sans commentaire. Donc, c'est ça, il y avait deux groupes pendant 14 semaines. Un groupe mangeait la gomme pendant sa classe de mathématiques et ses devoirs de mathématiques. Tandis que le deuxième groupe ne faisait pas ça. Lui, il continuait normalement. Et on a regardé on les a évalués à la fin sur leur connaissance en mathématiques et on a comparé les résultats entre les deux groupes. Donc là, la corrélation veut vraiment dire. Et en fait, on s'est rendu compte que ceux qui mangeaient la gomme avaient une hausse de 3% de performance par rapport à l'autre. Donc, sur un examen de 100%, t'es à 57, tu manges pas de gomme, t'es rendu à 60 si t'as mangé la gomme. Mais c'est dans la marge d'erreur, ça, 3%. Excuse-moi, les sondages, c'est plus ou moins 3%. En fait, Mathieu, il y aurait peut-être une tonne de choses à critiquer derrière ça. Je me demande comment ils ont fait pour standardiser, pour isoler tous les effets, parce que, comment dire, il y a tellement de choses qui peuvent jouer là-dedans que c'en est bidon. Mais c'est simplement pour dire que la gomme peut aider les processus d'apprentissage et tout. Et qu'il peut y avoir une légère différence qui peut être intéressante à aller chercher. Donc, si vous y croyez vraiment, allez-y. C'est ça, puis pourquoi pas, je veux dire, ça va pas te nuire. Ça va certainement pas te faire perdre 1%. C'est un excellent point. Avant de passer à mon prochain sujet, ici, c'est juste une petite constatation que j'ai faite. Est-ce que c'est le fait de mâcher de la gomme ou c'est le fait que ce soit une activité physique de mâcher de la gomme? Parce qu'une activité physique, il y a les mêmes effets prouvés derrière ça, d'oxygénation du cerveau et tout, que des processus cognitifs. Donc, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Ou est-ce que c'est la saveur qui te divertit le cerveau? Est-ce que tu pourrais manger d'autres choses? Effectivement. L'effet shortcake aux fraises versus popsicle. Et voilà. Donc, troisième sujet, la performance sportive. C'est mes attraits naturels qui ressortent parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus à la base. Donc, est-ce que le fait de mâcher de la gomme aide au point de vue des performances sportives? Donc, ça, c'est le fameux cliché du joueur de baseball à son marbre qui mâche frénétiquement sa gomme. Ça a l'air bon, que ça a l'air. Tu sais, il se laisse aller. En fait, il y a probablement qu'il dépense plus d'énergie. Il est revenu sur la dépense énergétique, mais probablement qu'il dépense plus d'énergie à mâcher sa gomme qu'à jouer à son sport. Ça, c'est une autre question. Donc, en fait, on leur a posé la question aux athlètes. Puis, ce qu'ils nous ont répondu, dans le cadre d'un sondage, d'une étude descriptive, c'est qu'ils nous ont répondu que les athlètes, dans le fond, ils perçoivent que la gomme à mâcher est un excellent moyen de contrôler leur stress. Donc, on revient au stress, c'est vraiment comme ça qu'ils le perçoivent. Et dans le fond, cet effet-là, c'est un effet qu'on appelle psychogénique, donc vraiment au niveau psychologique, qu'on n'a pas mesuré au niveau de la performance, mais vraiment au niveau mental, au niveau de leur disposition mentale. Donc, ils perçoivent vraiment que la gomme leur aide à combattre le stress. Et on se rend compte également que, en fait, l'effet serait plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Donc les femmes athlètes auraient un meilleur bénéfice pour ça. Ça se ferait selon le type de sport, voilà. Donc, au golf, on peut s'imaginer que c'est peut-être plus important qu'à la natation. Au golf, beaucoup de processus décisionnels, peu d'action, le stress est grand. À la natation, c'est pas que le stress est moins grand, mais disons que t'es plus dans le mouvement continuel et dans le fait de te dépasser. Et probablement que si tu manges la gomme, t'as plus de chances de t'étouffer avec la gomme que de mieux performer. journée. C'est comme au baseball avec leur chic. Ben oui, leur chic. On s'est rendu compte également que ça variait selon les individus. Bon, ça, il n'y a pas vraiment de découverte derrière ça. Et que ce serait un effet qui serait proportionnel à l'importance. Donc, compétition versus entraînement. Ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'en compétition, ils perçoivent que ça leur aide plus qu'à l'entraînement. Et vice-versa, s'ils mangent tout le temps la gomme à l'entraînement, ça ne leur sert plus en compétition parce qu'ils sont comme trop déshabitués. C'est un peu le principe de la caféine aussi. Si tu bois tout le temps du café, à un moment donné, le café n'a plus d'effet. C'est un peu la même chose. Donc ça, c'est vraiment au niveau psychologique chez les athlètes. Par contre, est-ce que ça améliore vraiment leur performance? Est-ce que le fait de mâcher de la gomme va avoir des meilleures performances tangibles au niveau vraiment du rendement sportif? Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'il y a peu d'études qui sont attardées à ça, encore là, mais que les peu d'études qui se sont attardées à ça, ils ont pris des gommes caféinées. Donc, est-ce que c'est le fait de la gomme ou le fait du café? Encore là, on ne le sait pas. Ce que ça a donné, c'est des résultats très mitigés et peu convaincants, mais tout simplement pour dire que c'est des études qui ont été faites chez des cyclistes qui se sont rendus compte que dans des sprints, dans des enchaînements de sprints, le fait de manger de la gomme caféinée les aidait. Par contre, dans une épreuve maximale, un test maximal jusqu'à épuisement, on s'est rendu compte que ça ne les aidait pas. Ça faisait rien. Donc, encore là, ça veut-tu dire vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Disons que je suis plus convaincu par l'effet gestion du stress que par l'effet. C'est drôle ça d'utiliser des gommes caféinées, c'est comme. Non, c'est. Parce que là, on sait plus c'est quoi la variable. Non, et voilà, on sait plus c'est quoi la variable. C'est effectivement complètement stupide, mais allez dire ça au PhD qui a probablement fait cette recherche-là. Je sais pas qui lui a donné l'argent et la bourse pour faire cette étude-là en plus. On sait pas. Peut-être dans une autre conjoncture économique, parce que la note n'est plus. Non, c'est un autre sujet. Donc, mon dernier sujet, c'est sur la perte de poids et la gomme à mâcher. En fait. Tu passes du poids de la face. Tu passes du poids de la face quand tu manges ça. Ah, ouais, c'est ça, tu maigris. Ben, je vous ai dit que maigrir localement, ça se pouvait pas, mais peut-être qu'il va avoir les joues, en tout cas, plus tonifiées. On sait pas. Donc, est-ce que mâcher de la gomme... En fait, mâcher de la gomme, ça a été prouvé que pour supprimer son appétit, ça serait utile, donc pour moins manger en bout de ligne, ainsi que pour brûler des calories et maigrir. Donc, il y a des études qui, auparavant, se sont déjà attardées à ça. Il y a un petit bémol à mettre là-dessus, mais je vais revenir en quelques secondes. Simplement pour dire que il y a des études qui se sont attardées, que leur protocole, dans le fond, c'était de prendre des sujets, de leur donner la gomme versus un autre groupe qui n'avait pas de gomme et de les soumettre à un buffet à volonté, un buffet ad libitum. Donc, eux, ils pouvaient manger comme qu'ils voulaient, à volonté, et puis leur rapport énergétique, leur consommation d'aliments était mesuré. Et on s'est rendu compte que ceux qui mangeaient de la gomme avaient tendance à un petit peu moins manger que ceux qui ne mangeaient pas de gomme. Donc est-ce que ça a... Mais ça a peut-être rapport avec le truc bucco-dentaire dont tu voulais pas parler, quand tu manges de la gomme, apparemment, selon les experts, c'est ton estomac pense que tu manges, il produit des sucres gastriques pour quelque chose, je sais pas trop quoi, donc peut-être que justement, tu as l'impression d'être plus rempli. Ça pourrait être une bonne théorie. Je suis pas un expert de tout ce qui est gastro-digestion et tout, sentiment de satiété. Par contre, mon commentaire, je suis pas très très convaincu, disons, par ce genre de choses. Mais bon, peu importe. Ça serait également la dépense énergétique. Il y en a qui se sont même attardés à la mesurer. Donc, ils ont vraiment été voir combien de calories tu brûlais de plus par heure en mangeant de la gomme. Tu te rends compte que ceux qui mangeaient de la gomme brûlaient de 11 à plus ou moins 3 calories de plus par heure que ceux qui ne mangeaient pas de gomme. Donc, c'est très minime. C'est pas énorme. Si tu prends ton métabolisme de repos, qui est grosso modo de 60 calories dans le cas de ce groupe-là, et tu rajoutes 11 calories, c'est 20% de plus. Mais 11 calories, c'est rien. Négligeable. C'est effectivement très négligeable. En fait, juste prendre deux gommes à l'aspartame et compagnie, ça les accote. Ça les accote, et voilà. Donc, pas très convaincant en ce qui concerne ça. Il y a une étude toute récente qui a été faite en avril 2013, donc ce mois-ci, et qui disait que manger de la gomme amaigrissante, qu'on appelle la Nutratrim, que je ne connais pas, ou de la gomme normale, de l'Eclipse, que je ne connais pas également, probablement que c'est dans un autre pays, menait un groupe, dans le fond, un groupe qui avait étudié à justement consommer moins de fruits, manger moins souvent, mais plus à chaque fois, et puis également à consommer plus d'aliments gras, salés, sucrés, donc barbares et tout. Ce qui venait un peu contredire les hypothèses d'auparavant. Donc, comment ils ont expliqué ça, les chercheurs, en fait, de deux façons différentes. Première façon, c'est que le fait de manger de la gomme, avoir le goût mentholé dans la bouche, être tout le temps habitué à des goûts très sucrés, très infantiles dans un sens, menait les gens à moins aller chercher des saveurs un peu plus raffinées, un peu moins fortes comme dans les fruits, légumes et compagnie, et les menait justement vers des aliments plus gras, plus sucrés, plus salés. Donc, en bout de ligne, ils mangeaient moins bien. Et le deuxième effet, c'est que quand ils mangeaient moins souvent, mais plus, c'est tout simplement justement que leur société dont on parlait tantôt, c'était comme un peu le processus contraire qui venait, dans le sens que étant tout le temps habitué à avoir des goûts très très sucrés dans la bouche, ne percevait plus quand justement il était rassasié, comme s'il était tout le temps habitué à manger quelque chose, donc ça tuait un peu le sentiment de se sentir rassasié et tout. Donc, étude toute récente qui vient justement contredire le fait de la perte de poids. Donc, ça n'aurait absolument aucun effet et aucun bénéfice en tant que tel. Wow! On a appris des choses! J'aurais pu continuer. Il y en a. Je pensais pas en apprendre autant sur ce sujet-là cette semaine, mais c'est merveilleux. Et les surprises. Je suis là pour ça. Oui. Merci, Maxime Milodeau. Fait plaisir, messieurs. On a parlé de chewing-gum, toute la chronique, et on va essayer d'en marcher un petit peu plus ou un petit peu moins dépendant des gens, peut-être, tu vois? Peut-être. Moi, j'en mange pas du tout. Jamais. J'en achète tout le temps, mais j'y mange pas. Je suis un mangeur compulsif, ça en est. Ah, pour vrai? Ça en est pas drôle. Je suis trop lâche pour m'en acheter, mais quand je tombe sur quelqu'un ou dans quelque part qu'il y en a, hop là! T'as-tu une cigarette, t'as-tu une gomme? T'as une gomme! On se retrouve jeudi prochain à 7h30. Sans faute, messieurs. Bonne journée à nos auditeurs. Bonne journée. Dans quelques minutes, tout à l'heure, on aura la chronique de Jasmine Raymond-Drainville sur le GEQTR. On a aussi François André qui s'en vient, mais pour l'instant, dans le même domaine. Attends, j'entends ça. C'est quoi? Ben, c'est pas grand-chose, honnêtement. C'est que derrière, quand tu marches, des fois, tu peux te tirer un muscle du cou. Fait que voici par le chignon du cou des sœurs Boulay. Je pars au vent et son souffle me libère. Moi aussi. Je me fous de la poussière. Le beat en dedans et la tête dans les airs. Le cœur par le chignon du cou. Sans savoir où aller en suivant les feux verts. Les deux poches toutes pleines de trous, aller prendre un verre et l'échapper. En profiter, comme tu me l'as montré. Ouvrir la fenêtre. Juste un peu et crier au travers. Pour tous les passants et les gueux, inventer des prières et les chanter. La voix cassée, comme tu me l'as montré. Je pars au vent et son souffle me libère. Délicieuse sœur Boulay avec par le chignon du cou. Tu leur as léché le cou? Ah, ben hier, il était en entrevue à Radio-Canada. Je me suis rincé l'œil. Ah, ben con! On les a eu en entrevue au Palmarès, c'est fou. Ah, maman. Ils sont très mignonnes. Pas mal de fun, pas mal joli. Donc voilà pour les sœurs Boulay. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec la chronique de François Landry, chronique politique, Logocratie 101. Et son thème d'aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, c'est la gouvernance souverainiste du PQ. Mm-hmm. C'était à 8h30. D'ici là, on va entre autres faire. fort probablement la chronique arrête avec tes questions. Ah oui. Là, on l'a mentionné, fait qu'on n'a pas le choix de la faire quelque part là-dedans. Ben, on va voir du fun. Mathieu, j'ai trois questions en particulier à te poser. Qui t'intrigue et que je vais essayer de trouver les réponses dans mon cerveau, dans un de mes tiroirs. Là. Ouais, à quelque part. C'est ça. Dans ton hippocampe. Oh! Je fais des liens. Ben, pour l'instant, c'est l'Info Campus. C'est fou de la musique. C'est fou 89 ans. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 4 avril 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, deuxième heure bien chargée, bien remplie de contenu, de choses bien intéressantes. On va parler de politique, on va parler de plein de choses. Peut-être d'autres que la politique, je sais pas encore. Peut-être. On va voir. On va aussi avoir la chronique arrête avec tes questions dans quelques secondes. Et on va parler entre autres d'une question qui t'a toujours intrigué, toi. C'est... Ben oui, ça serait... Tu sais, on sait tous que le Père Noël, l'image du fameux Père Noël vient d'une image de marque. De Coca-Cola. De Coca-Cola. Mais là, plus thématique, on vient d'un congé de Pâques, ouais. la fin de semaine passée. Lui, là, le petit lapin de ouais, Pâques, ouais. Il vient d'où, lui? Bonne question. Ben moi, c'est ça ma question. Je te réponds tantôt. On a aussi parlé du pape, fait qu'en hommage au pape, voici Boy, oh. Petit garçon. Ben oui. Little Numbers. Faut tout le temps que je fasse ça, faut tout le temps ça. Mais bonne. si on ne trouvait pas Facebook assez déplaisant, il dit que tu n'as pas posté dans ta page Melon Miel et Chou de Bruxelles. Ben oui. L'émission est morte! Ben oui, mais j'attendais là, peut-être la semaine prochaine pour ouais, quelque chose. Peut-être. Hein, peut-être faire... quelque chose à se mettre sous la dent avant l'été. Des flashbacks, peut-être. Peut-être. Oh, sous la dent l'été. Sous la dent l'été. Ah ouais? Ouais. Oh! C'est un indice, ça, que j'avais pas encore entendu, puis que là, je suis surpris de l'entendre. maintenant, tiens, Jean-Philippe, tu vas me poser quelques questions parce que je sais que toi, t'es un gars qui aime savoir des choses. T'sais. Oui, oui, je suis un gars curieux. Un grand bibi. Oui, mais pas... faut pas joindre les deux. Curieux? Non, bibi. Ah. curieux. Voici Arrête avec tes questions. Tout savoir non plus. On peut pas tout savoir, mais donc, on peut en savoir plus. Oui, ben on peut, et je vais essayer autant que possible de répondre à tes questions, Jean-Philippe. Oui, s'il te plaît, Mathieu, instruis-moi, moi qui ne sais rien. OK, ben pose-moi des questions, alors. Oui, donc on l'a dit un peu d'emblée, je vais refaire mon intro parce que je l'aimais. Tu l'aimes, répète-toi. Donc, Père Noël, Coca-Cola, on sait tous que ça a un lien. Ouais. Maintenant, je veux savoir pourquoi le lapin de Pâques, Mathieu. Je veux savoir excellent. Pourquoi. Excellent, je te trouve brillant. Merci d'avoir trouvé cette question. Donc, le printemps, on sait, c'est une saison de renouveau, de renouvellement, de renaissance, si on veut. T'sais, les plantes reviennent à la vie. Les gens, les hommes aussi. Les petites jupes remontent. Les animaux se réveillent et puis recommencent à procréer. Mm-hmm. Là, on a des animaux aussi. Hein, fait que, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Une relation nice. Plusieurs cultures, donc, avaient des festivals du printemps. Donc, des façons de célébrer ce renouveau de la vie, c'est faire la promotion un petit peu de la fertilité. Ces festivals-là étaient Ostre ou Istre, E-A-S-T-R-E, comme Easter, c'est maintenant pour Pâques. Donc, Istre, la Istre godette... intéressant de savoir pourquoi ça s'appelle oh, le même. C'est drôle, ça. Donc, c'était la déesse du printemps et de la fertilité. Ah, donc, voilà. C'était donc les pagans du nord de l'Europe qui étaient très, très près de leur religion, de leur spiritualité, etc. Donc, ça avait rapport Istre avec l'œuf. Et la poule, ça parle de fertilité, si on veut. Hein? Ben oui. L'un vient de l'autre et l'autre vient de l'un. Hein? Donc, la religion chrétienne s'est répandue. Et c'était donc commun pour les missionnaires de pratiquer, dans le fond, des rituels dans le contexte de leur religion. Et ils ont changé les festivals qu'il y avait dans le temps, qui étaient pagan. C'est devenu des fêtes chrétiennes. Okay? Donc, ils les ont transformés avec le temps. Donc, le festival de l'Istre, qui avait lieu à peu près en même temps que la célébration de la résurrection du Christ. Donc, les deux célébrations ont comme fusionné ensemble la religion qui était chrétienne et la religion, c'est païenne, je crois, pagan, païenne, mm-hmm. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je pense que ça fait bien du sens. Ça a bien du sens, dit comme ça. Donc, ils ont fusionné les deux, c'est devenu comme naturel. Et puis, les païens, disons-le comme ça, ont amené donc leur symbole de la poule et de l'œuf, l'image, avec la religion chrétienne. Aha! D'accord. Donc, les païens, qui étaient très habitués à leur lapin. Éventuellement, ça a commencé à faire partie de la célébration chrétienne aussi. Et on ne sait pas exactement quand, mais on le mentionne dans les écrits allemands des années 1600. Donc, les Allemands qui ont converti l'image en ce qu'ils appelaient le Osterhaus. Donc, c'est un lapin qui faisait des œufs colorés comme cadeau pour les enfants. Oh! C'est devenu ça. Avec le temps, le lapin a commencé à amener du chocolat aussi et des jouets en plus des œufs. Donc, on dit que le lapin de chocolat a commencé avec les Allemands aussi, qui ont commencé à faire ce qu'on a dit tantôt, les Osterhaus, des pâtisseries, dans les années 1800. Le lapin de Pâques a été aussi amené en Europe... par les Européens en Australie. Même chose pour les vrais lapins en tant que tels, les animaux et les lapins, parce qu'il n'y en avait pas en Australie. Et ces lapins-là, même s'ils étaient très fertiles, disons qu'ils ont perdu le contrôle et les Australiens les voient maintenant comme des pestes. Ou en tout cas, les voyaient à l'époque comme des pestes. Ils étaient trop fertiles, ils se reproduisaient trop. Il y en avait trop de petits lapins. Quand on dit, il faut y ramener lapins. Hein? Mm-hmm. Ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est pour les lapins de Pâques. Puis, tu sais, quand tu ramasses tes œufs, ça te prend un panier. Piano. Oui. Panier, piano. Ben, c'est intéressant, ça. Pas super. Donc, ça veut dire que c'est le début aussi des petites fermettes. Ah, voilà. Oui, dans les centres d'achat. Dans les centres d'achat. C'est vraiment le fun. Oui, c'est intéressant, ça, Mathieu. Ouais, quand même. Mais cela dit, J'ai d'autres questions. Ouais. Est-ce que tu réponds à ça? Ouais, ben si je vais essayer de faire mon possible pour comprendre les termes qu'on me dit dans l'article. Parfait. Mathieu, ça nous est tous déjà arrivé, tu sais, d'aller souper le soir et puis après ça d'aller voir des amis. Là tu manges, tu fais oh mon Dieu, j'ai mauvaise haleine, j'ai de souper, j'aime brosser les dents. Ouais. Et là t'arrives quelques minutes plus tard chez ton ami, il t'offre une bière. Ok, je pensais dire qu'il t'offre une orange, je trouvais ça comme bizarre le soir. Et non, mais il t'offre une bière, tu sais, ouais. On vous jaser, c'est le fun. Puis là ta bière, ça goûte bizarre. Ouais, hein, ça doit. Oui. Hein? Puis ça arrive souvent quand tu te brosses les dents et que tu manges après. Pas mal tout, hein. Que ça c'est bizarre. Mais il faut savoir pourquoi. Ben, très bonne question. Je vais te répondre à ça tout de suite, à l'instant. On peut remercier ce qu'on appelle en anglais le sodium lauryl sulfate. Donc, qu'on le connaît aussi sous le nom de sodium lauryl ether sulfate. C'est des SLES ou des SLS. Et c'est ça qui gâche ton goût, dépendant de la sorte de pantalon que tu utilises. Les deux sont des trucs chimiques, ce qu'on appelle des surfactants, des agents humidifiants qui vont, là c'est des termes super scientifiques, là, qui vont réduire la tension d'un liquide qui est ajouté à la pâte pour créer de la mousse. Et ce qui va faire que la pâte va être plus facile à mettre dans ta bouche, donc pour savoir où t'as brossé encore. Mm-hmm. Parce que, je veux dire, si ça mousse pas, tu sais pas où t'as frotté ou brossé. Pareil comme le savon et comme les détergents. Et d'ailleurs, ben, c'est le même, les SLS et les SLS. Oui, Colin. SLS, dur à dire. Ils sont aussi dans les détergents, les adoucisseurs à tissu, les peintures, les laxatifs, les trucs pour cirer les planches de surf et les insecticides. Mais ça veut pas dire que tu peux toutes les mélanger, ça. Non, c'est ça. Ben, on dit sur les pâtes à dents de ne pas avaler la pâte à dents. C'est vrai. C'est quand même écrit dessus. Donc, les surfactants rendent le brossage des dents beaucoup plus facile parce que ça fait de la mousse, mais ça fait pas juste ça. Les SLES et les SLS vont un petit peu changer nos papilles gustatives de deux façons. Pour commencer, ils vont supprimer les récepteurs, ou en tout cas, ils vont comme calmer les récepteurs sur les papilles gustatives, celles qui vont percevoir le sucré. Et d'autres notes comme ça, d'autres notes style sucré, mais qui sont pas ce qu'on pas exactement un mot sucré, mais qui ressemble à ça dans la nourriture, dans les boissons. Et comme c'était pas assez, ça va aussi, ça va défaire les phospholipides sur la langue. C'est des molécules qui détectent ce qui est plus aigre, donc mm-hmm. les goûts aigres. Donc c'est ça. Et puis ça dit que tout ce que tu manges ou que tu bois après avoir brossé tes dents va avoir moins de sucré et va être plus acide, plus aigre qu'à la normale. D'accord? Mais ça dit aussi que tu n'as pas besoin de mousse dans ta pâte à dents parce qu'il y a plusieurs sortes de pâte à dents qui n'ont pas de SLES et de SLS. Donc, si tu veux quand même goûter le sucré et pas avoir. Ça te prend de ces pâte à dents-là. Ça te prend ça. Je sais pas où tu te procures ces pâte à dents-là. J'imagine que si tu magasines un peu, tu vas en trouver. Je vais chercher la mention sans SLES et sans SLS. Bon, ben maintenant, me voici bien éduqué. Mais il me reste quand même une petite dernière question. Vas-y. En rafale. Oh. Et là, il ne faut pas se tromper dans les termes, mais est-il possible de renvoyer le pape? Toi, t'avais lu ça, « Can you fire the pope? » T'avais lu « Can you fire the poop? » Peux-tu mettre du caca en feu? Ben, écoute, ça arrive à tous. Hein? Une autre fois, on cherchera cette question-là. Donc, voilà, est-ce qu'on peut sacrer dehors un pape? Parce que c'est déjà arrivé. Okay? Bon, un pape, ça a plein d'avantages. Tu portes un beau drôle de chapeau, hein? Tiens, t'as la pope mobile, t'as le trône, et t'as quand même une bonne sécurité d'emploi. Le pape ne peut pas être viré ou renvoyé comme n'importe quelle autre personne. Le code du canon law, okay? C'est une collection de lois et de règlements de l'Église là, qui n'a pas, en fait, de façon de faire si on veut renvoyer un pape de son propre pouvoir. La position, après tout, nous dit-on, a été créée par Jésus. Ah, oh, oui. Sauf si la main de Dieu lui dit de s'en aller, d'ouvrir la porte. C'est avec les avantages que je sais pas s'il dirait, mettons, si ça lui arrivait. Hein. Mm-hmm. Faisons comme si ça pouvait arriver. Hein. Et on dit qu'il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs de l'Église et que le pape lui-même n'a pas de patron. Selon les catholiques, en fait, le patron n'est pas sur terre, comme on veut dire que c'est Dieu. Donc, le Code of Canon Law dit que, étant donné qu'il est pape et qu'il a le pouvoir suprême, le pouvoir complet et le pouvoir immédiat et le pouvoir universellement ordinaire de l'Église, ça dit « universally ordinary power in the church », d'accord? Donc, il a toujours le plein pouvoir. Le collège des cardinaux, là, les gens qui ont choisi le pape, en fait, c'est eux qui élisent le pape, mais ils n'ont pas de pouvoir de renvoyer. Ils ont seulement le pouvoir d'engager. Donc, le catéchisme de l'Église catholique, j'essaie de lire les termes correctement ici, dit qu'il n'y a aucune autre personne qui a le pouvoir autoritaire, à moins qu'il soit uni avec le pontife. Ce qui veut dire que, dans le fond, le pape devrait lui-même être d'accord avec le... Avec son renvoi. Avec son renvoi pour pouvoir se faire envoyer. Par contre, là, le texte est long un petit peu. Il y a des détails, des détails sur plusieurs papes qui ont été enlevés du pouvoir dans différentes circonstances, là, par des complots, des trucs comme ça. Il y a des papes qui ont été enlevés, qui ont été tués en prison après avoir commis des affaires, tu sais, qui ont été arrêtés. Puis en tout cas, mais là, on s'en fâche dans les détails spécifiques de certains de ces papes-là, mais ça reste super intéressant. Et allez lire l'article sur assemblagerequis.com. Donc, on ne peut pas, en théorie, renvoyer le pape à moins qu'il soit d'accord. Ouais. Ou qu'il quitte lui-même. Voilà. Ça. Comme on a vu récemment. Récemment. Petit exemple comme assez frais dans notre mémoire. Mm-hmm. Ouais. Oh, c'est ça. Mathieu, merci. Un peu plaisir. Donc, voilà. Reste un rush et tout. À peu près tout. Oui. Trois choses bien, bien utiles à savoir. Oui. Maintenant, tiens, on va changer complètement de sujet. On va accueillir Jasmine Raymond-Dréville qui est avec nous. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, vous? On est en forme. Comment possible? Ouais. Est-ce que tu aurais envie de nous parler un petit peu des nouvelles qui ont un lien avec la GEQTR? Ouais, mais j'attends ma chanson thème avant, là. T'avais-tu là? Ben oui, là. T'as chanté live, moi, là. Va falloir que je lance un petit peu de monnaie dans mon chapeau. J'en ai pas. J'ai des clés, ça fait le même bruit. Ça fait le même bruit, fais ça dans le micro. Dans le micro. AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR, parce que l'AGEQTR, ça pas d'âge. Yo, pro. Tu vois comment j'ai fait pour rire en plus de chanter en même temps? Donc, Jasmine Raymond-Dréville, bon matin. Bonjour. L'AGEQTR est une place où se passe tellement de choses. C'est un endroit, ben oui. Ben là, c'est un endroit, peu importe ton âge, tu vas à l'AGEQTR. Ça va à l'AGEQTR. C'est ça, c'est comme le dit... Parce que l'AGEQTR, ça a pas d'âge. Yo! Preu. Voilà. Hey! Super! Deux fois la chanson, ça fait pas honte du tout à Jasmine. Non, pas si pire. De quoi on parle aujourd'hui? On parle du résultat des élections. Oh, c'est vrai, ça a eu lieu ça très, très récemment. Oui, ça a été... en fait, le vote s'est terminé jeudi soir dernier à 23h45. Les résultats ont été dévoilés vendredi. Donc, vendredi de Pâques. Dans une salle qui a changé maintes et maintes fois de place. Oui, parce que je sais pas trop pourquoi, en fait. Là, je pense que peut-être que ça avait pas été réservé. Peu importe. Ouais, c'est compliqué. C'est apparemment une affaire de confirmation que si tu confirmais pas deux, trois fois, ils prenaient pas pour acquis. Ça se peut. Mais c'est le vendredi de Pâques aussi. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que ça a un peu compliqué les choses. Mais finalement, ça s'est fait à la chasse-galerie. Exact. Donc, en fait, je vais vous dire les postes un après l'autre. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est un petit quiz. Essayez de me dire c'est combien le pourcentage, OK? OK. Donc, à la présidence, on avait Mathieu Roy contre Lachaise. Est-ce que tu veux te risquer, Jean-Philippe? Moi, je dis que c'est plus haut que 90%. Non, c'était un petit peu en bas, je pense. Hein? 86. Non, 80. 80-20. Donc, 80 pour Mathieu. Donc, oui, c'est Mathieu Roy qui est présentement vice-président à la vie associative et à l'environnement qui va être président à partir du 1er mai. Petite mise à niveau pour lui, un petit step par en haut. Non, ils sont tous égaux, les postes. Ah, c'est tous des postes égaux. OK, président dans la hiérarchie de l'organigramme de la corporation. Non, mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste que ses tâches sont différentes. Ah, d'accord. Mais non, il y a eu une grosse campagne contre pour la chaise, en fait, apparemment, j'ai entendu dire. Donc, c'est pour ça, peut-être le 20%, il y a des gens qui ont comme un petit peu manigancé. Mais c'est un très haut pourcentage, par exemple. C'est très bon. C'est super bon. Surtout pour la présidence, en fait. Là. Exact. Mais je trouve que le 20% est quand même assez significatif aussi. Je trouve que c'est malheureux que les gens... Mais c'est peut-être pour la chaise. Ben c'est sûr qu'il y en a certains qui savent que quand on vote pour la chaise, c'est qu'on considère que la personne n'a pas en fait les qualificatifs requis, là, n'est pas apte à remplir les fonctions reliées à ce poste-là. Mais il y en a peut-être aussi qui pensent que en fait, c'est juste qu'on va s'abstenir. Moi, ça me plaît ça. Ah, t'as raison là-dessus, je pense. Peut-être. Ouais, donc voilà, c'est peut-être aussi ça. On le félicite. Donc, en tout cas, bravo Mathieu. Ouais. Ensuite, au secrétariat général, on avait Caroline Rouillard, qui est l'actuelle présidente, et Jean-François Chapdelaine, un étudiant en histoire. Allez-y, essayez. Genre, moi, ce que j'étais là, fait que 90%. Je dis ça à tout le monde. Non. Pour qui? Pour la gagnante. Non. Parce qu'elle avait deux, là. Mais en tous les deux, ça fait à peu près ça, il me semble. C'était pas assez serré, 50 quel pour Caroline? 55? 52, Caroline, 41, Jean-François, puis 6% pour la chaise. Okay. Donc, c'est Caroline qui s'en va au secrétariat général dès le 1er mai. Ouais. Ensuite, vice-présidence à la vie associative et à l'environnement, le poste qu'a présentement Mathieu Roy. On avait Michael Magny contre la chaise. Oh, Michael Magny. Qu'est-ce que t'en penses? 90%. Moi, je me mouille pas. C'était assez... OK, on va laisser faire le quiz. OK, on va arrêter après ça parce que j'ai la réponse. C'était pas mal bas. C'est le plus bas pourcentage eu par un candidat cette année, si je me rappelle. Ben, en fait, à l'exception des postes où il y avait deux candidats. Là. Mais ceux qui étaient seuls contre la chaise, c'est le plus faible. Ouais, 77, mais c'est quand même excellent, là, comparativement. Oui. Je pense que l'année passée, il y avait eu des taux quand même moins élevés que ça. Là. Mm. L'année passée, le plus haut, c'était 86. Puis là, on en a-tu des plus hauts? Non, on en a pas des plus hauts. Donc, c'est 86 l'année passée qu'on avait eu le plus. Donc, Miguel Magny, qui va être vice-président à la vie associative et à l'environnement, c'est un étudiant en philosophie. Ensuite, vice-présidence à la vie... non, pas à la vie. Aux affaires académiques de premier cycle. Donc, on avait Mathilde contre la chaise, Mathilde Loisel-Davidson, qui occupe présentement le poste. Elle a été réélue avec 86 % C'est le donc, plus haut pourcentage. Ça, c'est le plus haut, oui. D'accord. Donc, contre 14 % pour la chaise. Ensuite, vice-présidence aux affaires sociopolitiques, qui est présentement occupée par Anne-Julie Durocher. Anne-Julie qui est... Elle quitte... Ah, Julie Kitt, oui, c'est ça? Oui, elle quitte, c'est oui. ça. Mais en fait, une bonne grosse majorité de la GE de cette année. Pas tant que ça. Non. J'ai en l'impression fait, que c'est la majorité. La moitié, non? La moitié de ce qu'il y a actuellement, en fait. Ouais. Okay. En ce moment, on est 8, il y en a 4 qui vont rester. Il y a un changement de poste, là, mais... OK. C'est ça. Donc, Jean-René, 83 % puis la chaise a eu 17. Et ensuite, aux communications, on a Roxane Dulon et Alex Brisebois-Proux. C'est Roxane qui a été élue, là, par exemple. Je vois pas le pourcentage. Ouais, 53. Alex a eu 39, puis la chaise 7 %, donc c'est Roxane qui a été élue. Ensuite, aux finances, on a François Arcan, qui est l'actuel vice-président en finances et développement. Il a été réélu. Ah non, c'est lui le plus haut pourcentage, avec 89 %. Ah, donc c'est très, très, très, très haut. Donc 89 % pour, contre 11 % pour la chaise. Donc en tout, il y en a 4 là, qui vont rester. Il y a François qui reste aux finances, Mathieu qui change de poste, qui s'en va à la présidence, Caroline aussi qui change de poste. Puis Mathilde qui va rester à la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Il y a deux postes qui sont restés vacants. Donc, vice-présidence aux affaires socio-culturelles, ce qui est assez rare habituellement. C'est un poste pour lequel il y a plusieurs candidats. Il y en avait 3 l'an passé. Point, puis là, on n'a eu aucune candidature pour ce poste-là. Donc, le poste a été réouvert en CA lundi soir dernier. Ben justement, j'avais la question que j'avais posée à Bruno Lemarque-Corbin. Je ne sais pas si tu pourras me répondre aussi. Est-ce que quelqu'un qui a perdu l'élection contre un autre candidat aux élections qui ont eu lieu là, est-ce qu'ils peuvent se représenter sur un des postes qui est ouvert? Est-ce que tu sais ça? Oui, ils peuvent se représenter. En fait, okay. la seule cause, en fait, pour laquelle quelqu'un ne pourrait pas se représenter à des élections dans une année, si la personne est exclue des élections parce qu'elle a commis des blâmes, un délit X. Ouais. Là, affiché trop tôt, comme le lundi, je pense. En fait, ça, dans la politique électorale, là, si la personne recevait 2 avertissements, donc soit un affichage trop tôt, puis mettons qu'elle bat quelqu'un. Là, en fait, c'est lorsqu'il y a comme 2 avertissements qui sont émis, la personne est exclue des élections, de la campagne électorale. Ouais. Mais sinon, ils peuvent se représenter là, absolument. Donc, il y a vice-présidence aux affaires socioculturelles, puis vice-présidence aux affaires académiques des cycles supérieurs. Ça aussi, ça a été ouvert lundi soir dernier. Donc, surveillez la page de l'AGE puis les Babillards pour connaître les modalités là, de pour mise en candidature. Exactement. Mais ça va se faire avant la fin de la session. L'élection, moi, j'étais pas au CA lundi dernier, mais l'élection, d'après moi, va se faire en CA parce que c'est 10 jours minimum d'affichage de poste. Mm-hmm. Fait qu'on entre en masse dans les délais. Il y a un CA à la fin du mois qui est le dimanche 28. Okay. D'après moi, ça va se faire en CA. Sinon, ça va être en CA spécial assez tôt parce qu'on veut que la personne puisse entrer en poste en même temps que tout le monde. Et ça, c'est au début du mois de mai. Oui, le 1er mai. Okay. C'est ça. Nous, on finit, l'actuel conseiller exécutif termine le 30 avril, puis le 1er mai, c'est le nouveau conseiller exécutif qui entre en poste. Et un comité de transition? Oui, en fait, nous, on s'occupe de la transition. Là, c'est Anne-Julie et moi, là, présentement, la vice-présidence aux affaires sociopolitiques, et moi, qui allons nous occuper de faire un horaire de transition. En fait, là, ça va être 3 journées dans les bureaux ici pour des formations diverses, là, commune à tout le monde, puis aussi pour du temps entre chaque officier pour que les dossiers puissent bien être passés d'un officier à l'autre. Parfait. Après, il va y avoir le petit camp de début de session d'été, puis tout ça, puis un paquet d'affaires. Le conseil exécutif va, j'imagine, au courant du mois de mai, là, c'est eux qui vont décider des dates, mais il y a le camp d'orientation, ils vont faire leur plan d'action, leur budget pour l'année. C'est une assez grosse fin de semaine là, où tout doit passer. Devant tout le monde, en fait. Là, merveilleux. Tout ça. Et les gens qui veulent se renseigner sur les nouvelles personnes dans ce comité-là et ce qu'ils vont faire pendant les prochains mois, évidemment, on suit AGEQTR.org et puis la page Facebook de AGEQTR. Ouais. À travers les prochains mois. Venez nous voir, là. Vous pouvez venir dans un bureau aussi. Et Twitter, nous dit François Landry. Puis le face-à-face aussi, c'est pas pire. Vous pouvez venir dans nos bureaux. Le social? Ouais. Mais. Venez dans un bureau. C'est ça. OK. On passe devant de toute façon, c'est la seule porte de sortie à part la chasse. Oui, hein? Puis j'avais une dernière petite chose à dire qui n'a pas rapport à parler avec les élections. Le 18 avril, ça va être le party d'inauguration du pavillon à la vie étudiante. Pas la prise de position des locaux, mais non. L'inauguration. Là, ça va être bâti, les murs vont être construits, tout, ça va être final, c'est ça? Non? Censé. Supposé. Supposé? OK. Mais en tout cas, bref, il y a quand même un party d'inauguration. Fait qu'au pire, si c'est pas bâti, on ira tous pleurer ensemble. Non. Ça va être au 10-12 et dès 19h, le 18 avril. C'est un quel jour, le 18 avril? C'est un jeudi. C'est un jeudi. Puis, il va y avoir une activité cool avec tout ça. OK. Organisée par Mathieu Roy, le vice-président à la vie associative et à l'environnement. C'est la bataille des iPods. Ah, ouais, en fait, iPod Battle, c'est ça. Ça. Donc, vu que, en fait, ça va être un party, il va comme avoir une espèce de série éliminatoire de bataille de iPod entre les associations étudiantes, puis ça va être ça, c'est à la personne qui fait le plus lever la toune avec son iPod. C'est ça. Tu choisis une chanson, l'autre doit lever la foule, j'ai dit la toune, lever la foule avec son lever iPod. Lever la toune. C'est ça. Si tu montes ta c'est ça. Donc, ça va être un représentant par association. Là, si vous m'entendez, vous pouvez vous informer à Mathieu Roy. Puis sinon, c'est un représentant par asso qui se présente à 19h avec son propre iPod au 10-12 le 18 avril. Est-ce que c'est dans la coupe des assos? J'imagine tout est dans la Coupe des Assos. Ben, c'est ce que j'allais dire. Coupe des Assos. Bonne opportunité de dire que la Coupe des Assos, ça existe puis c'est cool. Oui. Bon. Voilà. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci, Jasmine. De rien. À la semaine prochaine, jeudi à 8h. Ouais. 8h15. Après Julie. Dépendant de Julie. Julie était là matin? Ben non. OK, bon, ben après Julie, c'est elle, sinon. Ben, sinon, c'est toi qui n'es pas là. Sinon, c'est elle qui n'est pas là. Sinon, c'est toi qui n'es pas là. Mais là, je suis là, je me suis remis de ma maladie. Ça va mieux? Oui. T'as la sinusite, hein? Ouais, je parlais bien la semaine passée. C'était pas super. Je parlais de même. Bah, t'es sévère envers toi-même, t'es trop sévère. Ah. Merci, Jasmine. Plaisir. Après la pause, on parle avec François Landry. Il est juste là, il a même pas parlé. Son micro t'a ouvert, il a même pas. Ah, je suis là. Oui. Salut, ça va. On parle de PQ? Oui, du PQ, oui. PQ! Du PQ! PQ! Ça a l'air tellement crasse, dis-le même. C'est le retour dans la chronique Logocratie 101 pour l'instant, mais c'est ça. Ben oui. Ben oui. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Lundi, à Assemblage requis. Simon Fitzby nous fera découvrir de la nouvelle musique dans son segment Fitzby. Sébastien Dulieu nous livrera un reportage sur le pénis en feutrine gate dans Va voyager, j'y suis. Et on discutera d'art et spectacle avec Alexandre Carignan de Temps d'une culture. C'est lundi 17h. Lundi Wild. Penis and feutrine gate. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Déjà 8h33, Jean-Philippe Charbonneau est toujours là. Mathieu Plante aussi, le temps file. Oh, Charbonneau. Jean-Phil Charbonneau. Jean-Phil, un cure-pipe. Ouais. Il rend facile bon à faire. Jasmine Raymond-Réville est toujours là. Oui. Et on est avec François Landry, voici. Oui. T'es excité pas mal? M'énerve. Logocratiseur. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Je sais pas ce qu'ils vont faire, ces deux-là. Ils ont tellement une complicité évidente, là. Mm-hmm. Et quand tu vas t'en aller de la GE, Jasmine, qu'est-ce qu'il va faire, François? Il va-tu trouver un autre. Des texto battles. Oh! Il va manger moins de gâteau. Oui, je vais maigrir. Ah ouais? T'amènes du gâteau souvent? Moi, bien, Julie, il y avait tout le temps des choses à manger. On me nourrit. C'est fin, ça. Je suis le tiers-monde à moi seul. Oui, comme un animal de compagnie, on dirait. Donc, comme un petit chien. Un petit chien. Aujourd'hui, on parle de la gouvernance souverainiste du PQ. Ouais, du PQ. PQ. Du PQ. Parce que hier, ils ont dévoilé leur plan de match pour une orientation nouvelle, disons. La différence entre une nouvelle orientation et une orientation nouvelle? Voir. Ben, c'est une vieille qu'ils ont mis à jour. C'est comme un update. Okay. Ben, recyclé, oui, mais plutôt une transmutation de ce qu'ils devraient faire, mais pour... Bien, je vais l'expliquer. Okay. Je suis en train de me mêler dans mes termes, là. Ris pas de moi, Jasmine. Le PQ, on sait, c'est un parti souverainiste, en théorie. Donc, ils ont dit en 68, quand ils ont été fondés par René Lévesque avec et plusieurs autres gros noms, ils ont dit on va faire la souveraineté du Québec. Ensuite, ils ont dit on va la faire par étapes. Donc, on va se faire élire, ensuite, on va faire un référendum et ensuite, on va négocier. Donc, premier échec référendaire en mai 80. Mm-hmm. Ensuite, ils ont la traversée du désert pendant les années 80. Ensuite, avec Moïse et tout. Oui, ouais, les eaux se sont séparées puis ils ont englouti René Lévesque au passage. Ensuite, ils reviennent au pouvoir en 94 avec Jacques Parizeau. Et là, lui a dit, on va faire la souveraineté du Québec. Ben oui. Avec une question très claire, tu sais, qui prenait trois pages. Donc, trois pages? Non, c'est quasiment une page, okay. La question. C'est acceptez-vous dans le cadre de négociations avec le fédéral, blablabla. Puis à la fin, c'était oui ou non. Donc, le monde était fourré, puis que je comprends rien. Puis on peut pas voter la chaise là-dessus. Donc, le nom a passé. Donc, ensuite, Jacques Parizeau démissionne. Lucien Bouchard devient premier ministre. Et là, il met la souveraineté envahisseuse. Lui, c'est plus un nationalisme québécois qui l'anime. Un Québec fort à l'intérieur, le Canada fort. Genre, c'est pas lui qui a sorti la phrase. Ça voulait dire ça, pareil. Exactement. C'est un Québec fort dans un Canada uni. Uni. La vraie phrase, c'est ça. Et puis ensuite, il y a eu Bernard Landry qui, lui, est un vrai nationaliste, un vrai souverainiste, mais il a démissionné peu de temps après parce que le vote de confiance de ses membres n'était pas assez fort selon lui. Il avait eu 78%, puis il a dit non, moi, en bas de 80, je démissionne. Ah, OK. Fait qu'il a démissionné à 78, on s'entend, pour quelques centaines de votes, il aurait pu rester. Ouais. Et là, ça a été une autre longue traversée du désert du PQ. Il y a eu des chicanes internes. L'aile radicale qui voulait se séparer du Canada dit au PQ, on veut parler de souveraineté au Québec. Les sondages disent les Québécois ne veulent pas entendre parler de souveraineté. C'est environ... Ça verrait entre 30 et 40 %, puis on sait qu'un référendum, c'est 50 plus 1 % pour passer. Ensuite, ils ont dit, est-ce que ça prend 60, est-ce que ça prend 80, bon, toute une espèce de chicane. Et là, depuis le 4 septembre dernier, c'est Pauline Marois, une souverainiste, oui, modérée, très, très modérée, très... on va en parler quand ça va faire notre affaire, puis on n'en parlera pas quand ça va jouer sur nos intérêts. Une souverainiste de marketing. Oh, j'aime ça. Oh, ouais. Pauline, le trademark. J'aime ça. Donc, là, son aile, quand même, pour son aile radicale, son aile, quand je dis radicale, c'est pas ceux qui garochent des roches dans les fenêtres, là. C'est ceux qui veulent la souveraineté, qui veulent donner au PQ le mandat de faire la souveraineté. Donc, parlons souveraineté. Pauline, elle s'est dit, on va faire une gouvernance souverainiste. On va se comporter comme un gouvernement, mais dans un pays et non pas dans un Canada. Donc, on dit, tout ce qu'on va faire, les lois qu'on va passer, c'est comme si on était un pays. Donc, c'est la gouvernance souverainiste. Avant, ça s'appelait un autre nom, c'était un gouvernement souverainiste. Bon, sentence, pour ça que je te disais tantôt, c'est pareil, mais compliqué. Donc, hier, le Parti québécois a dévoilé sa plateforme de gouvernance souverainiste en créant des commissions nationales d'examen. Retenez ça, ça fait sexy dans le langage logocratie, hein? Commission nationale d'examen. Chaque fois qu'une initiative fédérale aura des répercussions majeures au Québec. Et ce, jusqu'à ce que le Québec devienne un pays. OK. Je vais mieux comment le détailler. Comment on fait ça, moi? Non. Déjà, c'est des mots creux. Le gouvernement Marois concrétise ainsi sa gouvernance souverainiste. Elle vise à doter le Québec de nouveaux outils pour défendre et promouvoir les intérêts des Québécois et des Québécoises. Le premier geste de sa gouvernance souverainiste, le gouvernement Marois annonce la tenue d'une commission nationale d'examen pour se pencher sur les changements à l'assurance-emploi proposés par Ottawa. On respire. vous savez sans doute que le fédéral a joué dans l'assurance-emploi, les travailleurs saisonniers. Oui, on a reçu la lettre de Choppé. Oui, vous l'avez reçu. Hein? Ouais. Ah, mais c'est bien dit, puis ça a l'air tellement le fun. C'est le fun à lire. Oui, hein? Oui. Ouais. Juste avant de t'endormir, tu lis ça, puis tu dors comme un bébé. Donc oui, et ça a fait l'unanimité à l'Assemblée nationale pour dénoncer ça. Donc tous les partis, la CAQ, Québec solidaire, Parti libéral et Parti québécois ont dénoncé d'une même voix. Ils ont fait un vote là-dessus à main levée pour dire on veut pas de cette modification-là au Québec parce que ça va affecter non seulement les pêcheries, l'agriculture, mais aussi les travailleurs annexes à tout ça. Et pas les étudiants, parce que les étudiants n'ont pas le droit à l'assurance-emploi, mais ceux qui veulent retourner au travail, ceux qui veulent travailler, mais en même temps, l'été, ils veulent prendre un coup. Il y a plein de petits détails de même que le gouvernement fédéral se fout carrément. Ouais. Donc là, toutes les provinces, même l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique aussi dénoncent ça. Alors pourquoi Québec ne fait pas front commun avec les autres provinces? Donc c'est toujours en étant unis et solidaires que l'on gagne. Mais le Québec a dit non. Nous autres, ça va être la gouvernance souverainiste. Le groupe de cette commission nationale d'examen sur les répercussions, blablabla, sera co-présidé par Gilles Duceppe, et oui, l'ex-chef du Bloc québécois, ainsi que Rita Dionne Marsolet, qui a été ministre sous Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry. Donc, une femme d'expérience. D'expérience. Oui, oui, voilà. Ouais, oui, oui. Elle s'appelle Rita. Pas sur la tenue. Ils auront jusqu'en novembre prochain pour remettre leur rapport. Ils devront entendre le groupe, c'est-à-dire devra entendre les groupes de travailleurs en région touchée par les barèmes fédéraux. Les coprésidents Duceppe et Dionne Marsolet, pour l'anecdote, auront droit à un salaire de, on fait un petit sondage, combien qu'ils gagnent par jour? Par jour? Par jour. Si on s'entend une journée, admettons, 8 heures par jour, OK? On s'entend, c'est une journée normale. Bon, mettons, ils doivent être payés 20-25 piastres à l'heure. Et ouais. Non? Non? 100 piastres à l'heure. Non, 50 piastres. Montez. 75 piastres. Montez. 150. Montez. Oh, hein? 150, on va dire The Price is Right. Okay? Wow. C'est 145 piastres de l'heure qui vont être rémunérés. Il est dépassé, c'est ça. Fait que c'est ouais, hyper mais j'ai quand même commencé à 25. 1$, en tout cas. Moi, je pensais que ça allait être bas, mais qu'il allait avoir des primes, en fait. Des bonus. Des bonus. En fait, ils vont être payés 1150$ par jour de travail. Wow. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une démagogie totale. J'ai divisé par 8 heures, ça donne 145$. Ben, démagogie, mais en même temps, c'est à peu près ça. Réaliste, hein? Mais M. Duceppe, dans sa grandeur d'âme, a dit... J'ai une rente de Ottawa parce qu'il a été député à Ottawa, donc prenez-la en considération. Je ne veux pas être payé 1150$ de l'heure, de la journée. Soustrayez ce que je gagne. Ce que je gagne, puis que je vais recevoir juste 800$ par jour au lieu de 1150$. Des peanuts. Des peanuts. Ah, ben, il est généreux. Ah, écoute, il pense à la classe moyenne, lui. Donc, tout ça pour dire que l'ex-ministre libéral Kathleen Veale avant même l'annonce d'hier, avait prévenu que le PLQ, donc le Parti libéral, ne participerait pas à la commission itinérante que le gouvernement veut utiliser à des fins partisanes. Parce qu'on sait que ça va être des fonds publics. Et Gilles Duceppe, étant un grand nationaliste, un grand souverainiste, l'opposition accuse le gouvernement marois d'utiliser Gilles Duceppe et les commissions comme ça pour faire la promotion de la souveraineté du Québec dans le cadre de la gouvernance souverainiste afin de s'attaquer à Ottawa. Donc, la belle unanimité qu'il y avait eu au début est en train déjà de s'effriter. Oui, la séparation se fait pas du Canada au Québec, mais à l'intérieur même du Québec. Du côté de la CAQ, notre gentil Gérard Deltel, le choix de Gilles Duceppe, selon lui, ne laisse pas de doute sur les conclusions de la commission, un choix de tel adversaire du Canada. Donc, il y a même Éric Kerr qui a traité Gilles Duceppe de pyromane. Donc, lui, il va débarquer avec son bateau avec un lance-flamme pour attaquer l'autre bord de la rivière Outaouais. Pour incendier. Pour incendier, oui. Allumer des feux partout au Québec. Oui, là. C'est ça. C'était pas pire. Oui, c'était pas pire. Le dossier de l'intégration de l'ACDI, donc l'Agence canadienne de développement international, aussi, qui a été modifié par le ministre des Affaires étrangères. Avant, c'était une agence autonome. Maintenant, elle va être rapatriée au sein des Affaires étrangères, donc sous la tutelle, sous la gouvernance située du gouvernement directement. Donc, au lieu d'être une agence indépendante, elle sera maintenant tutellée. C'est un beau mot. Sous tutelle. C'est bon, j'aime ça. Tutelle. C'est un françoisisme. Vas-y, go, continue. Donc, ça aurait pu faire l'objet d'une commission itinérante aussi. Mais Jean-François Lisée a déjà dit « Non, nous autres, on va s'en créer une agence. Fuck le Canada. » On va, lui, c'est vraiment le plus séparatiste de la guerre. Il dit « le Canada. » Et puis, on va rapatrier nous autres même tout l'argent pour créer une agence de développement international québécoise. L'acronyme, je ne sais pas par cœur, c'est... L'internationalisé. Oh! Marketing. 10 sur 10, c'est ça. 10 sur 10. Merci. Même chose pour les modifications du cadre juridique touchant les jeunes contrevenants. Au Québec, un jeune qui fait une délinquance quelconque, on y tape ses doigts et on dit « recommence pas ». Mais à Ottawa, un jeune de moins de 18 ans qui fait un crime d'adulte pourrait être traité comme un adulte. Donc, les erreurs de jeunesse à l'autre bord de la rivière Outaouais, ça existe pas. Erreurs de jeunesse, on parle-tu d'une meurtre? Là, non, ben ça. Ouais. Ben, un meurtre, encore là, t'es jugé selon un enfant, selon les psychologues. Ouais. Je suis pas psychologue, mais il y a quelque chose dans le cerveau qui fait en sorte que dans la veille de ta fête puis le lendemain de ta fête, t'es pas la même personne. Ah oui? Une gueule de bois habituellement. De manière générale, la gouvernance souverainiste visera à freiner et combattre les ingérences, et là je cite, freiner et combattre les ingérences fédérales dans les champs de compétences du Québec. Pour y arriver, le gouvernement marois entend assumer tous les pouvoirs législatifs que Québec détient et repousser les limites de l'ordre juridique existant. Donc ils vont se battre avec le couteau entre les dents pour montrer aux barricades, pour dire « Tu touches pas à ça, c'est à moi. » Ça, c'est comme les voisins, là. La clôture est acquise. Ou la reine de son maroyaume. Ah! Et Poppy, j'essaye. T'es en forme. T'es en forme aujourd'hui. T'es en feu, toi. Merci. Alexandre Cloutier, donc le ministre de la gouvernance souverainiste, a réitéré la volonté de Québec d'accroître les pouvoirs de la province dans trois domaines. La culture, la formation de la main-d'œuvre et les infrastructures municipales. Ça va être sexy. L'expression gouvernance sexy aujourd'hui, toi. Hein? Deux fois. Non, mais j'aime tellement ça des mots creux, Mathieu. Oui, mais moi aussi. Ça veut absolument rien dire. Mais bon, l'expression gouvernance souverainiste a été forgée en 2008, donc c'est tout récent, c'est un petit bébé. Peu après le retour de la chef péquiste en politique, donc c'est vraiment Pauline Marois qui a réintégré qui a donné naissance à ça. Parce qu'on se souvient, en 2006-2007, elle voulait parler d'une conversation nationale. Un autre mot très creux pour dire « on va se parler souveraineté, mais entre nous ». On gère. Genre, ici, là, dans le studio de C'est Fou, on parle souveraineté. Ouais. C'était ça, son plan de match à Pauline pour faire la séparation du Québec. Okay. Ça a été balayé du revers de la main dans les 2-3 jours qui ont suivi. Il devrait se partir un talk show. Hein? Ouais. Ouais. Conversation avec Pauline. Avec Popo. Oui. Avec Popo. Marois tonight. Jason avec Popo. Jason avec Popo. C'est une émission de cuisine. Papaton avec Popo. Papoton avec Popo. Malade. Voilà, donc je vais arrêter mon paragraphe ici. Pour donner corps à sa gouvernance souverainiste, le gouvernement marois entend mettre sur pied des commissions nationales d'examen à chaque fois qu'une décision d'Ottawa le justifiera. Donc, à chaque fois que le gouvernement va éternuer, commission nationale. Hey, commission nationale d'examen, j'ai envie de... Tu sais, ma chronique CNX Geek, mais oui. Ça devrait vouloir dire ça, commission nationale d'examen. C'est CNX. C'est beau. Oh, c'est vrai, ça, le CNX. en blague, on se dit, si Ottawa empiète tellement souvent sur Québec... ce qu'il fait présentement, est-ce qu'on va avoir beaucoup de commissaires? Est-ce qu'on va avoir assez de commissaires pour tenir tout ça? Commissaire Gordon. Ouais, on pourrait le rapatrier, ouais. Lui, on pourrait le ramener. Ou la juge Charbonneau, là, oui. ta grand-mère, ta madame. Ben oui. On a le même nom de famille. Ben écoute, c'est pareil. Comme Maxime Landry avec toi. Excuse, oups, il fallait pas la ramener. Ça fait comme un an que tu l'as pas dit. Un an, mais justement, une fois par année. Oh, OK, c'est fait. Merci. Donc, qu'est-ce qui arrive avec Maxime? Je sais pas. On va le savoir. Au parti de famille, il était là-bas, non? Non, il broyait dans sa chambre. C'est tout ce que je sais. Il broye tout le temps, lui. Je vais avoir une parenthèse à faire après. OK. Maxime Landry. Okay, que son four est à broye. Là, on parle du chanteur, là. Pas l'hélicoptère, là. Pas l'hélicoptère. Maxime Landry, TVA. Donc, à un an de probable élection générale, le plan dévoilé hier permettra à son gouvernement, donc celui du PQ, de se positionner sur l'échiquier électoral. L'équipe ministérielle aimerait évidemment faire le plein de voix souverainistes au prochain scrutin, parce qu'on sait que Option nationale et Québec solidaire sont ouvertement souverainistes aussi. Ils tirent un petit peu plus à gauche que le PQ. Donc, on dit, ça, on peut pas être plus à gauche parce qu'ils font pas mal de politique de droite. Autant rapatrier les souverainistes, même s'ils sont de gauche, ils vont venir au bercail. Donc, la gouvernance souverainiste, est-ce pour le bien de l'intérêt du Québec ou pour gagner des élections de manière majoritaire la prochaine fois? Telle est la question. Charbonneau, Landry, on a fait toutes les blagues. Est-ce que Jasmine Raymond Drainville a quelqu'un d'autre? Un artiste qui s'appellerait Raymond Drainville? Non, il n'y a pas un Raymond Drainville. Raymond Drainville, non, des Raymond peut-être. Des Raymond Drainville, Legault, oui. Mais Martin Drainville. Martin Drainville est dans ma famille, pour vrai. Ouais, hein, je sens ça. Ah, puis Bernard Drainville aussi, ouais. le ministre. Ah, ouais. Le ministre. Genre le cousin à mon père. Wow. Ah, ouais. Un big de quoi de même, là. De... Tu nous as pas dit ça? On est Drainville, t'en as pas tant que ça. Non. Ben, la sœur Martin Drainville, Isabelle Drainville, qui joue la radio Enfer. Hey, oui, ouais, c'est Dominique. Ah, Dominique, Dominique. C'est ouais, vrai. Mais c'est sa sœur, fait qu'elle aussi est dans ma famille. Malade. Cool, t'es touché. Hey, on va, s'il vous plaît, collègue. Hey, mais je vais faire ma parenthèse sur Maxime Landry. Parenthèse, moi, ça. Je suis sûre que. Avant, j'habitais à Montréal, j'étais à l'UQAM une session. Je travaillais au Atmosphère sur Saint-Denis, à côté du Théâtre Saint-Denis. Puis à un moment donné, il y avait le lancement de son album Vox Pop. C'est le plus grand rassemblement de ma tante que j'ai vu de toute ma vie au magasin. C'était épouvantable, c'est tout. C'est juste ça. C'est une concentration de ma tante. C'était terrible. Malade. Il était tellement énervé, là, il y avait du monde partout. Colin. Il a l'air d'un petit peu bout de chou. Oui, avec les grosses bajoux. Ben ouais. Il a l'air fin, par exemple. C'est vrai. Il a l'air fin. On s'attache. Donc, merci François Landry. C'était encore synchronique, donc restant. Jeudi prochain à 8h30. Oui, toujours. Et puis, on va prendre une petite pause musicale parce que tu as parlé de l'échiquier politique tantôt. Ça me donne envie. Jean-Philippe, je pense que tu comprends où je m'en vais. Oui, je pense qu'on s'en va voir ailleurs. On s'en va écouter Jolini. Hein? On s'en va voir ailleurs. Mais je suis en train de taper là, la toune. Chiquier. Hey, dur, t'as déjà bien, toi, de ce bord-là? Hey, mais, hein? Black. Oulnia, l'échiquier. Assemblage Rocky, on vient pour se dire bye, ton. The Shit Happens de Hunter Valentine. C'est, je pense, une des chansons de leur album qui crie. J'aime moins quand elles crient. Je préfère leurs autres pièces, mais quand même, Hunter Valentine, c'est très bon. C'est un bel essai, quand même. Ouais, l'album s'appelle Collide and Conquer. C'est la fin d'Assemblage Requis pour cette semaine. Aujourd'hui, entre autres. Donc, on va remercier les invités d'aujourd'hui. Mm-hmm. Jasmine Raymond-Réville. Oui. Yay. François Landry. Ouais. Maxime Bilodeau. Ouais. Je sais. Ouais, finalement, c'était pas très mal. Il rentre dans l'autre pavillon, fait que c'est. Ouais. C'est pas à part le on remercie aussi vous d'avoir écouté. Toi, Jean-Philippe Charbonneau, bien sûr. Mais toi, Mathieu Plante. Mm-hmm. On se retrouve lundi avec la chronique de Simon Fitzbé. Fitzbite. Simon, Sébastien Duville va être là pour son éditorial. Va voir, j'y suis con que j'ai parlé trop vite le jeudi après-midi, le jeudi matin même. Ensuite de ça, la chronique d'Alexandra Carillon, Le temps d'une culture. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Sur C'est fou, aujourd'hui, à 11h, il y aura le dîner de con avec Danny Janvier. Je vais être de retour avec une édition spéciale des palmarès C'est fou. Aujourd'hui, ça va être les palmarès C'est fucked up. Ah, ben oui, puisque tu es seul, livré seul à toi-même. Exactement, je vais recevoir des gens quand même en studio, dont potentiellement Jasmine Raymond-Drainville. Ben assurément. Assurément, donc elle va être là. Je vais venir te dire un petit coucou. Merci, cool. David Ferron va venir aussi. Donc, une belle petite gang pour les palmarès, c'est fucked up, entre 15h et 18h. Stéphanie Paradis, malheureusement, elle ne sera pas là. En soirée, 13e étage, électro-tactile et la nouvelle émission M ta nuit, c'est dans l'électronique pas mal. On se quitte avec Tire le Coyote et Chainsaw. Puis passe une très belle journée. La scène pour la Belle et les Bêtes qui s'en vient juste là. Mm-hmm. Puis demain, les meilleurs moments. Ouh, ça, c'est à 7h du matin jusqu'à 10h. Puis ça rejoue samedi de midi à 15h. Il faut pas manquer ça. Ben non! Ben non! Hey! C'est nos meilleurs moments. Oui! C'est piloté mon grand navire. J'suis un homme PDG de mon avenir. Pour mieux saisir ton noyau et ses j'habillerai ton cœur d'un bikini. Quand l'amour s'en vainqueur, il faut faire du bruit. J'crains ma chainsaw pour tailler. Oh. entier pour vanter ton sourire d'éternité. J'ai un coffre à fort.